Notre-Dame à Paris où un incendie s'est déclenché. Des croix décellées, 43 tombes dégradées. Le petit cimetière de Montjavoux n'avait jamais vu cela. Le projet de loi sur le mariage pour tous, promesse du candidat Hollande, sera examiné dès le 29 janvier au Parlement. Bon, moi, je ne suis pas catholique, je suis chrétienne. Catholique, c'est chrétien, justement. Bah alors, je suis catholique, chrétienne, oui, excuse-moi. Mais moi, je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas, si tu veux, aux religions, à n'importe quelle religion. Cartésienne, je crois plus en la science. En Occident, officiellement, Dieu n'existe pas. Dieu, c'est une croyance personnelle. C'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe. C'est une excellente nouvelle, ça montre une nouvelle. Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue dans Oremus, votre podcast national catholique mensuel. Avant de commencer l'émission à proprement parler, je fais quelques petits rappels auxquels vous êtes habitués. Donc je rappelle que nous sommes présents sur Gab ainsi que sur Odyssée, à l'adresse Oremus officielle. Et il y a un canal ami sur Telegram, toujours à l'adresse Oremus officielle, qui nous fait le plaisir de partager un peu nos péripéties. Et sans plus tarder, je vais commencer à la présentation des membres. Je commence par Rex. Rex, bonjour, comment ça va ? Bah écoute, ça se passe dans l'espace, hein, en direct de la Terre plate, j'ai envie de dire, et puis hâte de contribuer à notre théocratie participative. Qu'est-ce que c'est que ces simagrées ? Elzinko est aussi présent avec nous. Elzinko, comment ça va ? Salut Bobby, bah, ça va très bien, en direct de la Terre plate aussi, et que Dieu ouvre notre bouche durant cette émission pour dire la vérité. Et puis nous avons un invité surprise, un invité spécial. Alors surprise, oui et non, parce que si vous avez cliqué sur la miniature de la vidéo, vous avez vu son nom. J'accueille avec nous pour la première partie Bruno Hirou du Parti de la France. Bonjour Bruno, comment ça va ? Bonjour Bobby, bonjour à tous. Eh bien ça va très bien et en tant que national catholique, je suis ravi de participer à ce podcast qui n'est pas moins. Super, merci en tout cas Bruno pour avoir accepté notre invitation. Je précise qu'on se permettra d'avoir comme ça des invités qui viendront de temps en temps. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter un petit peu succinctement et puis un peu le Parti de la France pour les personnes qui ne te connaîtraient pas ? Alors, je suis le secrétaire général du Parti de la France, donc un parti de la droite nationale française. Pour la faire courte, nous sommes ce qu'aurait dû être, en termes d'idéologie en tout cas, ce qu'aurait dû être le Front National s'il n'avait pas dévié, s'il n'avait pas erré, s'il n'avait pas épousé la dédiabolisation et tout ce qui va avec, et s'il n'avait pas été infiltré à la faveur notamment de l'activisme de Philippot par une cohorte de militants gays. Je suis à courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein ? PD ! Donc le Parti de la France, voilà, c'est ce qu'aurait dû être le Front National. On a coutume de dire qu'on est le Front National canal historique. Alors en plus petit, certes, puisque nous ne sommes pas le FN ni le RN, mais voilà comment nous situer. Nous sommes ce qu'aurait dû être le Front National. Et j'en suis, donc moi, Bruno Hirou, le secrétaire général, donc le numéro 2 du parti, entre autres activités militantes que j'ai à mon actif. On peut dire en gros que le PDF, c'est un parti à la droite de Reconquête et du RN. Oui, l'extrême voilà, droite, peut-être. Est-ce que je peux employer le mot extrême droite ? Est-il possible ? Si Reconquête, c'est la droite, oui, on peut dire qu'on est l'ultra-droite, la giga-droite, la turbo-droite ou l'extrême droite, peu importe. Mais effectivement, il y a des valeurs sur lesquelles on ne transige pas par rapport à Reconquête, comme tu utilises cette comparaison. Je pense notamment sur tout ce qui est les valeurs fondamentales de civilisation et les mœurs, que ce soit sur le mariage homosexuel, sur l'avortement et l'euthanasie. On a des positions beaucoup plus en accord avec le décalogue qu'avec Éric Zemmour. En effet, on est à droite de Reconquête, puisqu'on est ce qu'aurait dû être la droite nationale française depuis toujours. Eh ben, très bien. Merci beaucoup, Bruno, pour cette introduction. Et je pense qu'on est en très bonne compagnie, du coup. Apparemment, il n'y a pas de gauchistes parmi les chroniqueurs ce soir, donc on va pouvoir continuer. On va commencer avec un sujet qui est un peu explosif. On va parler un peu des Juifs. Vous savez qu'on aime bien traiter le sujet des Juifs. Notre peuple a toujours nourri beaucoup de fantasmes. Ah ben voilà, merci de le reconnaître. C'est vrai, comme je dis souvent, vous avez forcément une petite part de responsabilité. Hein, ça. Alors on va parler un petit peu d'Israël, pour être précis, mais rassurez-vous, on ne va pas parler spécialement du conflit israélo-palestinien. On va en parler là 5 minutes en préambule, et ensuite on va venir au sujet. Alors je voulais amener le sujet de la sorte, c'est que, bon, ce qui se passe actuellement en Palestine, on pourrait se dire que les intérêts de la France sont quand même assez éloignés de ce qui se passe, et on pouvait imaginer, peut-être, par rapport au conflit qui dure depuis je ne sais plus combien de temps, qui est interminable et qui durera sûrement jusqu'à ce qu'il y ait une conquête militaire d'un camp ou de l'autre, on pourrait se dire que la position de la France, normalement, pouvait être quelque chose qui était soit la neutralité ou quelque chose de proche de la neutralité. Mais on a vu que finalement, bah, le gouvernement français s'était à fond aligné derrière Israël, à tel point que maintenant les manifs pro-palo sont interdites. Je vais commencer du coup par interroger Bruno. Est-ce que tu es surpris de cette position de l'État français qui le balai des juifs, quoi, en gros? Alors, je ne suis pas surpris, et le Parti de la France n'est pas surpris non plus, du virage plutôt pro-israélien que pro-palestinien ou neutre, tout simplement. Par contre, oui, je suis quand même surpris de l'ampleur, du zèle d'Emmanuel Macron, qui d'ailleurs met tout le monde mal à l'aise au sein de la communauté internationale, tellement il agit et parle comme un ministre de Netanyahou, clairement. C'est assez préoccupant. Et effectivement, nous, on est plutôt neutre en la matière, et c'est surtout la sécurité des chrétiens et la recherche de la paix qui va nous motiver en tant que chrétiens et que nationalistes français. Rex, apparemment, ils recherchent des Français qui veulent mourir pour les Juifs en Israël. Est-ce que tu es intéressé pour monter au front ? Arnaud Klarsfeld, 37 ans, volontaire chez les gardes frontières. Il veut se rendre utile à Israël. Je pense qu'il est important de ne pas être seulement spectateur, quoi, de son destin, mais aussi acteur. Et je n'arrivais pas à me reconnaître dans la politique extérieure de la France, qui a ses intérêts, mais qui n'est pas celle du peuple juif. Bah, comme dirait, enfin, je pense que Bruno serait d'accord, mais je veux bien mourir pour la France, mais pour Israël, modérément, quoi. Donc, ça dépend quels intérêts il y a derrière. Eh bah, c'est antisémite. Bah, écoute, je m'excuse d'avance, hein, puisque quand on parle de ça, évidemment, faut s'excuser. Donc. Elzico, qu'est-ce que tu penses, toi, de la position de la France, là, qui est un peu surréaliste? C'est pas vraiment surréaliste, parce qu'il n'y a plus vraiment de différence entre la France et le peuple élu. Hein. Je suis rien surpris. Hein. C'est vrai que finalement, bah, Israël gère son petit territoire. Et puis donc, il y a le petit territoire annexe en Europe qui s'appelle la France. Bon, ils le gèrent aussi. Ils ont leurs députés. Ils ont Meir Habib. Donc, apparemment, il est député Meir Habib. Mais on ne sait pas encore de quel pays. Alors, si quelqu'un peut m'éclairer. Bah, il est député de la France et d'Israël. Mais comme c'est le même pays, en quelque sorte, voilà, selon certains, forcément, on ne sait plus trop, quoi. Il y a une confusion. Mes chers amis, un député, c'est aussi une famille. Je voulais vous présenter brièvement ma famille. Mon papa, d'abord, qui a été délégué de la Tunisie au Congrès sioniste mondial, qui a créé les premiers vins cachers en France, qui a été un militant communautaire extraordinaire et qui est un immense exemple pour moi. Mon frère, Moshe, qui est Dayan, commandant dans Tzahal, et Rav à la Yeshiva de Gvoat Bethel. Alors je vous l'ai dit, c'était juste un petit préambule, je voulais qu'on aborde le sujet qui nous intéresse et que Bruno a déjà un petit peu introduit, à savoir la sécurité des chrétiens. En Israël, c'est quand même une émission nationale catholique, donc ça nous intéresse un peu. Et avant le conflit, il y a eu un événement, on va en parler tout de suite, un événement qui n'est pas un événement qui nouveau, malheureusement, avec des chrétiens qui faisaient un pèlerinage en Israël, qui portaient la croix dans les rues, et on a vu ça sur Twitter, ça a un peu choqué tout le monde, parce que bah, des juifs religieux se baladaient dans la rue et ont eu comme réflexe, bah, finalement, de cracher. Alors, cracher sur les gens, cracher sur la croix et proférer des insultes. Bon, bah alors, j'ai envie de dire, nous on nous parle de judéo-christianisme depuis je ne sais pas combien de temps, apparemment ça marche pas. Hein. Bah, j'en ai pas entendu parler dans la bouche de Damien Rieu, je pense qu'il doit être occupé à cirer les pompes d'un rabbin ou d'un rave, c'est le niveau supérieur, donc ça serait plus intéressant. Mais voilà, comme dans la droite nationale au sens vraiment très large, on va dire, il y a des gens un petit peu plus en mode paillasson, voilà, la surface médiatique descend un petit peu. Après, tu l'as dit, bah, cette petite vidéo, il faut la voir, un petit fait d'actu, on pourrait dire comme ça, et en fait, c'est répandu là-bas, c'est-à-dire que ça rentre de plus en plus dans la culture populaire juive orthodoxe, de cracher sur les pèlerins chrétiens qui passent, la croix, comme tu dis, bon, d'un mépris absolu. Quand on les voit, bon, je ne sais pas si c'est le poids du péché qui se voit dans l'anthropologie, mais ils ne sont pas très beaux, on va dire. Hein, ces juifs orthodoxes ne sont pas très beaux à voir. Et je ne sais pas, alors, ceux qui sortent, d'ailleurs, au premier rang, dans la vidéo, ont des têtes un peu asiatiques, donc je pense qu'Israël doit accepter un genre d'immigration philippienne ou je ne sais quoi, ce qui fait que tu as une présence chrétienne, notamment par l'immigration dans l'État sioniste. Oh, alors il est possible que ce soit aussi des touristes hein, qui sont en pèlerinage comme ça pour quelques jours. C'est possible, je sais pas. En tout cas, c'est pas la première fois que ça arrive. Il y a déjà eu une vidéo qui avait tourné avec des bonnes sœurs qui étaient dans la rue, qui faisaient rien, juste elles marchaient. Et des juifs, on marchait à côté, et puis les ont insultés et puis leur ont craché dessus. Juste parce qu'ils les ont reconnus en tant que chrétiennes. Bon, bah écoutez, voilà, judéo-christianisme, dans un sens, mais pas dans l'autre. Oui, c'est judéo-judéo. En fait, dans les années 20-30 déjà, il y a Jacques Bainville, l'Action française, qui regrettait la fin de la prédominance turque là-bas. Parce que les Turcs avaient au moins l'avantage d'être plutôt laïcards à l'époque et tolérants, ce qui fait que les pèlerins chrétiens pouvaient faire absolument ce qu'ils voulaient. Et en fait, dès les premiers traités anglo-israéliens, enfin anglo-israélites, il y a eu des hostilités au christianisme dès le début. Donc, ce qui fait quand même dire, dès le début, genre, enfin, je veux dire, années 20-30, un peu après la déclaration de Balfour et tout, le lendemain de la Première Guerre mondiale, mais que ça se détériorait déjà là-bas, et en fait, sous l'effet de l'influence politique juive. J'ai des choses à dire sur ce sujet. Je te remercie d'avoir porté à mon attention cette vidéo, que j'ai regardée avec attention, et je suis assez rapidement rentré en dissonance cognitive. Je te l'avoue, parce que moi j'ai pour habitude de surfer sur Internet et je suis tombé sur des forums où, disons, des mouvances païennes, enfin se prétendant telles, dominent. Et j'ai appris que le christianisme était une fabrication juive pour tuer l'homme blanc. Ah. Donc, ouais, je sais pas si vous avez vu ça. Mais du coup, je me suis dit, mais je comprends pas si... Si les Juifs ont fabriqué le christianisme, ils devraient se réjouir de voir une procession, parce qu'en fait, c'est une procession de chrétiens. Enfin, ce n'est pas des gens originaires de là-bas, quoi. Il y avait beaucoup d'Asiatiques, d'après ce que j'ai vu. Et donc, si ces gens-là, en fait, ils sont sous l'influence d'un poison créé par le Juif, en voyant sa victime un petit peu comme le chasseur qui voit le gibier se prendre dans son piège, il ne va pas cracher sur le gibier. Donc, j'ai pas vraiment compris comment ça se conciliait. Je sais pas si vous pouvez m'éclairer. Mais... Ah, je sais pas, il y a plusieurs tendances chez les néo-païens. Tu aurais pu tomber sur Thomas Ferrier aussi, qui, à force d'être vraiment trop judéophile, on se demande si Odin et Thor ne se sont pas changés en Odinovitz et Thorstein. Parce qu'on en est là. Hein. Il y a les néo-païens qui, en effet, vont accuser le christianisme de détruire l'homme blanc, et il y a ceux qui, néo-païens, s'allient avec les juifs, communient dans une même haine anti-chrétienne avec les juifs. Quoi. Il y a de tout. Quoi. Ouais, là, Thomas Ferrier, on est un peu dans l'autisme. Hein. Thomas Ferrier a une théorie intéressante, enfin, il a deux théories intéressantes qui ne vont pas du tout ensemble. Il faudrait un jour qu'il s'explique là-dessus. Parce qu'il dit, alors, première énormité, la personne du Christ, historiquement, n'a pas existé. Au niveau de la certitude de l'existence de Jésus, les historiens pensent, enfin les historiens sérieux, il n'y a pas de doute, mais dans le public, quand vous allez interroger les gens, ils ne savent pas très bien si Jésus vraiment a existé ou pas. Et donc, les arguments, je vous passe le détail parce qu'on pourrait en parler longuement, mais pendant 19 siècles, personne n'a jamais remis en cause l'existence de Jésus, ni les chrétiens bien sûr, ni même les adversaires de Jésus, c'est-à-dire les juifs, les romains, ceux qui ont fait des textes, le Talmud par exemple, des juifs est hostile à Jésus, il dit des choses assez critiques. Il y a aussi les romains, les païens qui ont dit des choses du temps de Jésus contre lui. Mais ils n'ont jamais pensé à dire « cet homme n'a jamais existé ». Donc tous les témoignages sur Jésus sont unanimes pour dire qu'il a existé, même si on le critique. Et donc aujourd'hui, il n'y a aucun... Voilà, personne ne peut douter de l'existence réelle de Jésus en tant que personne. Si jamais le Christ n'a pas existé en termes historiques, rien n'existe. On a déjà parlé, c'est-à-dire les textes antiques, là où il y en a le plus, c'est Jésus-Christ. Donc si tu nies l'existence de Jésus-Christ, à un moment donné, Néron, Jules César n'existe plus. Ça sert à rien de nier. Mais Onfray l'a fait. Hein. Onfray, il est en train de sortir un livre, s'il ne l'a pas déjà sorti, qui est... voilà, j'atteste pas l'historicité de Jésus, qui avait pourtant été même attesté par un juif de Rome en appelant, je sais plus, le Nazaréen. Quoi. Et ce qui est très fort aussi, c'est que dans toutes les églises, on réclamait des textes de l'Évangile. Donc il y a eu des copies extrêmement rapides, contemporaines de ces apôtres, qui sont partis dans tous les coins du monde. Et aujourd'hui, on peut dire que le texte de l'Évangile est de très loin et sans comparaison le texte le mieux conservé du monde antique. Pourquoi ? Si vous regardez tous les auteurs de la Grèce, de Rome, de tous les auteurs du monde antique qu'on a, en fait, on a deux, seulement des copies, qui sont pour la plupart du Moyen-Âge, donc une distance de 800 ans, 1000 ans, et quelques dizaines de copies, dans le meilleur des cas. La guerre des Gaules de Jules César, c'est 10 exemplaires seulement. Et dans tous les autres, Hérodote, c'est 8, enfin des trucs comme ça. Pour les évangiles, on a des textes qui datent de manuscrits qui datent de 1 siècle ou 2 et non pas de 7 ou 8 siècles, et il y a 5000 manuscrits grecs, 10 000 latins, 9 000 autres et 36 000 citations chez les pères de l'Église. C'est-à-dire que, comme c'est parti dans tous les coins du monde et que ça a été traduit dans toutes les langues, et vous avez aujourd'hui ces versions qui existent, et vous avez un critère de vérité qui est unique au monde. Il n'y a pas un texte dans l'Antiquité qui a plus de raisons d'être cru que les évangiles, du point de vue de la fiabilité du texte. Donc voilà, théorie 1 de Thomas Ferrier, Jésus n'existe pas, et en même temps il affirme que, en fait, il a existé, mais il n'a pas été crucifié. Alors Thomas, faut choisir, hein. Faut prendre tes pilules et faut choisir. Oui, c'est vrai, parce que là, sinon, on est dans l'ordre de la magie, quoi. Alors après, il peut être assez intéressant parce qu'il est dans pas mal de théories et tout, mais je trouve que ça va trop loin dans l'européisme aussi, parce que tu fais plus de distinction entre les pays européens. Enfin, faut pas exagérer, quoi. Je veux dire, on a une civilisation commune dans un certain sens, mais ça n'empêche pas les nations d'exister, bien au contraire, comme les provinces ont leur vie particulière malgré la nation, quoi. Je veux dire, ça peut s'emboîter, tout ça, on va dire. Lui, c'est vraiment l'indo-européanisme, genre on parlerait une même langue à échelle mondiale, mais on le sait pas parce que il y a des racines linguistiques qu'on n'a pas suffisamment regardées. Bon, il y a un héritage, mais quand même, c'est pas des langues sanscrites qu'on parle, quoi, hein, c'est surtout gréco-latin. Je suis toujours très surpris par les nationalistes païens, et surtout par les nationalistes païens anti-catholiques, puisqu'ils croient en adoptant cette position, faire une croix sur un juif qui a vécu à l'époque, alors qu'en fait, ils font une croix sur 13 siècles d'histoire de France, sur Jeanne d'Arc, sur Charles Martel, sur Charlemagne, sur Clovis. Il y a une incohérence totale. Il faudrait qu'ils effacent quasiment toute l'histoire de France, sauf la Révolution, pour retomber sur leurs pieds. Donc, j'ai jamais compris l'aboutissement intellectuel de ces gens-là. Tout à l'heure, Rex parlait d'antisémitisme. C'est vrai qu'aujourd'hui, dès qu'on ne veut pas s'aligner sur les Juifs, voire sur Israël, on est antisémite. Et le problème, c'est que d'accepter ce chantage à l'antisémitisme, ça nous met en position d'infériorité, en position de soumission, tout simplement. Et il faut qu'on ait ce courage, que les chrétiens, les catholiques de tous les pays retrouvent ce courage de dire « vous nous traitez d'antisémites, mais c'est pas le sujet. Un, c'est pas le sujet. Et deux, on en a rien à faire. C'est pas surprenant que des juifs détestent les catholiques. Le judéo-christianisme, ça n'existe pas. N'en déplaise à Michel Onfray. Dans le judéo-christianisme, il y a tout ce qui est judéo. C'était ce qui était avant. Ensuite, c'est le christianisme, et le judéo-christianisme, c'est éventuellement l'histoire des rapports entre les juifs et les chrétiens. Et c'est une histoire conflictuelle. Ils ont été plusieurs fois virés de tous les pays chrétiens depuis que le monde chrétien est monde chrétien. C'est à cause d'eux que Jésus fut crucifié. Et les histoires des Juifs et des chrétiens en Europe notamment, Europe de l'Ouest et Europe centrale, c'est quand même des histoires d'esclavage, de trafic, de malveillance, quand c'est pas de meurtre. Moi, j'invite à relire. Alors, je sais qu'il a pas bonne réputation. J'invite à relire Hervé Ryssen, et notamment son histoire de l'antisémitisme vu par un goy et remise à l'endroit, qui est, hormis certains passages sur la Genèse où là il manque de catéchisme, mais on peut pas lui en vouloir. C'est parlant, le judéo-christianisme n'existe pas. Le christianisme existe, il a élevé l'homme blanc. Contrairement à ce que prétendent les païens anti-cathos, le christianisme a élevé l'homme blanc, et l'homme blanc dégénère depuis qu'on a décidé que la société ne devait plus être chrétienne. Et ce que disent les néo-païens qui s'opposent au christianisme, en fait, c'est que finalement la France, elle aurait existé au 4e siècle et à la fin du 18e. C'est complètement aberrant. Enfin, ils n'osent pas le formuler comme ça, mais c'est ça en réalité. Je ne suis pas surpris que des juifs s'attaquent à des chrétiens, et je ne crois plus, je pense qu'aujourd'hui il n'est plus possible de croire à un État laïque qui rassemblerait chrétiens, musulmans et juifs. Je pense qu'il faut vraiment des États séparés. Voilà à peu près l'état d'esprit, en tout cas, au niveau parti de la France. Ouais, dans l'absolu, c'est vrai qu'on est... On serait pour le retour d'une juridiction chrétienne là-bas. Bon, là, ça fait rêve pieux, parce qu'on n'y est pas du tout, faut déjà l'enclencher, mais c'est vrai que sur le fond... on sait que d'entrée de jeu, Saint Pie X a condamné Théodore Herzl, le père du sionisme, pour son projet de retour en Terre Sainte. En fait, ils ont été chassés de là-bas et ne doivent pas y revenir. Par contre, le fait qu'ils y reviennent, ça a peut-être à voir avec des thèmes de la fin des temps, de l'apocalypse et de la parousie, ça c'est encore autre chose. Après, dans le fait d'être neutre, c'est une bonne position à l'échelle nationale et tout ça, je pense. Et en même temps, il faut savoir être juste. C'est pas non plus un sujet où on s'en fout véritablement, puisque D'un côté, il y a quand même un peuple qui a été envahi, en fait, une terre sans peuple pour un peuple sans terre, c'est mensonger. Il y a les mensonges de la Seconde Guerre mondiale et il y a les mensonges du sionisme. Il y avait déjà un peuple sur place, il y avait tellement un peuple sur place d'ailleurs, que là, il y a eu une résistance palestinienne qui a pété, quoi. Parce qu'on dit le Hamas un peu pour généraliser l'expression, mais en fait, c'est dans la bande de Gaza, il y a 2,5 millions de personnes, donc forcément, ils bougent et ils se défendent. Et c'est là où le nationalisme révolutionnaire est plus conséquent. Alors forcément, il ne faut pas virer dans un espèce d'orientalisme à deux balles, de tomber en mode mettre du logos ou je sais pas quoi. Mais voilà, je pense qu'il faut être quand même juste dans la situation où nous, on subit une même occupation, même si c'est pas des bombes, et eux subissent un peu la même chose. Donc ça fait un petit lien de réciprocité et aussi des répercussions géopolitiques. Donc forcément, c'est un sujet à part entière, parce que forcément, quand t'as 15-20 millions de musulmans chez toi, bon, ça rebat un petit peu les cartes, hein, on va dire. Et là, c'est énorme. L'ex-premier ministre israélien vient de dire, je sais plus si aujourd'hui ou hier, là, enfin vers le 25 octobre à peu près, on va dire, il a dit l'objectivité sert le Hamas, quoi. Faut même plus être objectif, quoi. La vérité est antisémite. Ouais, c'est unilatéral, quoi. C'est vas-y les mecs, Israël Uberales, quoi. Je rebondis sur ce qu'a dit Bruno. Il a évoqué Hervé Ryssen. Je pense qu'Hervé Ryssen, le fruit de ses travaux est intéressant parce qu'en fait, au moment où il a écrit ses livres, il n'était pas chrétien. Donc on sait depuis son passage en prison, il semble qu'il se soit converti. Je me suis mis à prier en prison, ouais, très rapidement. Si mes souvenirs sont bons, dès les arrivants, la semaine dans le quartier des arrivants, je me suis mis à prier, mais instinctivement. Hein. J'ai cité une phrase d'Alexandre Dumas dans Le Comte de Monte Cristo, dans le bouquin, hein, Le Coup de la Loi. Il dit que bah, quand tout va bien, un être humain, il s'en fiche de Dieu, il s'en fiche de la religion. Et quand tout va mal, il faut bien qu'il se raccroche à quelque chose. Et là, il trouve un langage. Alors, Alexandre Dumas, qui fait des belles phrases, hein, on est au 19e siècle, le langage sublime avec lequel on parle à Dieu. Et moi, instinctivement, je me suis mis à prier. Puis la seule chose que je connaissais, eh bien, c'était ce que j'ai appris quand j'étais gosse, hein, c'est-à-dire le Notre Père et puis Je vous salue Marie. Je pense qu'il faut insister sur les sophismes de ces païens parce qu'ils sont aujourd'hui très répandus. Alors, ces païens, qu'est-ce qu'on entend par païens ? En fait, ces païens, ce sont des chrétiens apostats. Il faut bien se représenter ça, qui bon, se sont fait une autre spiritualité, mais il y a deux, trois générations, c'était des chrétiens. Donc, on peut les voir en fait un petit peu comme des infidèles, comme les juifs sont des infidèles. Donc, c'est vrai qu'il y a cette dialectique, il les fait s'identifier à des juifs et ils ne s'en rendent pas compte. Mais voilà, je voudrais bien démonter, profiter de cette émission pour démonter leur sophisme, parce qu'ils sont très faciles à démonter. Quand on lui montre en fait que le juif à Jérusalem, donc chez lui, crache sur les chrétiens, ben, le païen, qu'est-ce qu'il va vous répondre ? Il va vous dire oui. Mais voilà, il fait ça chez lui, mais chez les autres, il se comporte différemment. C'est comme avec les races et avec l'immigration. Chez lui, il est d'extrême droite et chez les autres, il est d'extrême gauche. Sauf que ça ne tient pas devant les faits. Je voulais parler d'Hervé Ryssen par rapport au travail qu'il a fait sur Hollywood. En fait, les Juifs, dans l'époque contemporaine, sont à la sécrète une culture antichrétienne qui vise non seulement à salir le christianisme, mais à en rendre la pratique impossible par l'immoralité. Donc on peut parler de la pornographie, on peut parler de la législation, parce que la législation sur la contraception, la loi Neuwirth, c'est un juif, la loi Veil, c'est pas très catholique, hein, il me semble, l'avortement, c'est encore une juive. Les campagnes de presse, on sait qui possède la presse, hein, les campagnes de presse dirigées contre le clergé catholique pour l'assimiler à des pédophiles, on sait aussi d'où ça vient. Donc, si c'est pour favoriser une religion, je ne vois pas pourquoi on ferait ça. Et le point sur lequel je voulais m'arrêter, c'était Hollywood. Alors, Hollywood, il y a une citation qui m'est revenue à la mémoire, c'est une parole, vous devez la connaître, c'est celle de Marlon Brando. Quand il arrive à un certain âge, il va chez Larry King, vous savez, ces émissions aux États-Unis où il discute avec un journaliste pendant une heure, en 1996, et qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit, bon, je dis en anglais, « Hollywood is run by Jews. It is owned by Jews. » Un aveu comme ça, c'est quand même fort. Et derrière, vous avez les travaux d'Hervé Ryssen qui avait… Larry King, qui est juif aussi, d'ailleurs, je précise. Hervé Ryssen a réalisé un film et un livre du même nom qui s'appelle « Satan à Hollywood ». Donc, j'invite, alors qu'il n'était pas chrétien, j'invite tout le monde à aller regarder rien que le résumé écrit par cet auteur, où il reconnaît qu'en fait, dans les films d'Hollywood, les chrétiens sont représentés comme des bigots, des bornés, des racistes, des intolérants, le clergé comme un repère de sadique. Et il reconnaît qu'en fait, la religion catholique dans les films d'Hollywood est traitée comme ça. À aucun moment l'islam n'est traité comme ça, à aucun moment le judaïsme n'est traité comme ça. Si vous voulez y penser en termes bibliques, Sodome et Gomorre, vous n'avez pas besoin de lire la Bible, parce que Sodome et Gomorre existent. C'est ici, à Hollywood. Les jeux d'argent, la prostitution, tous les vices. L'élite d'Hollywood pouvait vivre au-dessus de la loi et vivre deux vies. D'un côté, celle destinée à l'écran de cinéma, et de l'autre, celle vécue en coulisses qui pouvait être avec des drogues, de l'alcool. Malgré la prohibition, ils pouvaient toujours trouver de l'alcool. Et ça pouvait être les excès sexuels. Alcool, sexe, drogue, les années 20, les années folles portent vraiment bien leur nom au royaume du cinéma. Alors qu'ailleurs aux États-Unis, les ligues de vertu essaient de lutter contre les vices qui rongent la société, Hollywood pense pouvoir échapper aux gardiens de l'ordre et de la morale. Il n'y avait pas de puissance plus grande que celle des studios de cinéma dans les premières années d'Hollywood. Ils étaient les plus gros employeurs, ils réalisaient ces fabuleux produits admirés mondialement. Donc naturellement, c'était eux qui créaient les règles du jeu, et c'était eux qui les faisaient appliquer. Chaque studio de cinéma avait sa propre force de police, et cette force de police était plus forte et plus puissante que la police locale. Donc le département de police de Los Angeles recevait ses ordres de Paramount Pictures. Le département de police de Culver City recevait ses ordres de Metro-Goldwyn-Mayer. Si vraiment les Juifs ont un intérêt à ce que les peuples blancs soient chrétiens, ben, pourquoi ils font ça ? Ça nous renforce dans notre foi, en fait, ça doit nous renforcer dans notre foi, dans le fait qu'on se dise qu'on a raison, d'une certaine façon. Oui, mais il faut le rappeler, parce que malheureusement, ces gens-là, ils font beaucoup de mal. Et il y a une dernière anecdote que je voudrais raconter, je l'ai évoqué la dernière fois, enfin, dans une autre émission, concernant en fait la nudité à l'écran. Sur l'émergence de la pornographie. Il faut savoir qu'à Hollywood, entre 1934 et 1968, il y avait un code de production qui interdisait la nudité à l'écran. Ce code de production, il résultait du travail des catholiques, en fait, qui avaient créé une ligue pour la vertu, en anglais League of Decency. Les ligues de vertu essaient de lutter contre les vices qui rongent la société. Et ça a tenu jusqu'en 1965. En 1965, il y a un film qui sort qui s'appelle The Pawn Broker, donc le prêteur à gages. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un prêteur à gages, mais c'est un truc très juif. Il y en a qui sont décrits dans les romans de Balzac. En fait, c'est quelqu'un qui vous prête de l'argent en échange de vos biens, en fait. Et donc, la plupart du temps, en fait, le prêteur, faut pas dire le juif, récupère ce que vous avez. Ça y est, c'est fini, c'est au tour de M. Cohen de parler. Allons-y, les chiffres. Attendez, deux secondes. Allons-y, les chiffres. C'est bon, le compte, il est bon. Le compte, il est bon. Et donc, c'est un film qui a été réalisé par quelqu'un qui s'appelle, produit par Eli Abraham Lando. C'est la première fois à l'écran qu'on voyait l'histoire d'un rescapé de la Shoah, de Leipzig, Saul Naserman, qui est donc en fait le prêteur à gage, et il émigre à New York et il devient prêteur à gage. Et à un moment donné, il y a une scène en fait avec une prostituée noire qui ouvre sa blouse et on voit ses seins. Et la scène en fait, et là vous voyez le juif quoi, qui est très malin, en fait la scène elle est coupée avec des flashbacks du juif qui se rappelle les camps où il voit les nazis en train de violer sa femme. 6 million Jews wickedly killed in gas chambers by the Nazis. Donc le film a été condamné d'abord par la Ligue de Décence catholique, il a été condamné aussi par l'association qui devait gérer le code de production, mais les juifs ont quand même, en fait, avec les distributeurs, ils sont arrangés pour que le film soit quand même distribué. Et au final, il y a eu donc l'association de distribution qui a accordé une exception, mais qui en fait s'est trouvé être le début de tout ce qu'on voit aujourd'hui. On avait 8 ans plus tard en fait un film qui sortait, Deep Throat, c'était le premier film porno. Et depuis voilà, donc on voit bien aussi clairement dans cette histoire l'opposition entre les juifs et les catholiques et les chrétiens. Je rajoute par rapport à cette histoire extrêmement intéressante de la législation américaine concernant la modestie, on va dire c'est le terme qu'ils emploient aux États-Unis. Et pour faire passer toute leur saloperie sur la pornographie, ils s'appuient sur le premier amendement de la Constitution des États-Unis, qui est l'amendement concernant la liberté d'expression, liberté de religion, liberté de presse, etc. Et c'était pas du tout le cas au début, en fait, hein. Quand la Constitution américaine a été faite, vous imaginez bien que les pères fondateurs, ils n'avaient pas en tête « Ah bah tiens, on va quand même profiter de cet amendement pour diffuser du porno ». C'était pas du tout l'esprit, c'était pour avoir une discussion libre, quoi. Et donc, après la Seconde Guerre mondiale, il y a tout un tas de lobbies qui sont intéressés à comment travestir le premier amendement au niveau fédéral pour distribuer de la pornographie. Et alors, bizarrement, tous les gens qui tournaient autour de ces différents lobbies, c'est des noms qui terminaient en Stein, en Berg, etc. Moi, j'aurais bien aimé revenir aussi au traitement à la télévision. Comme tu disais, Bobby, voilà, on a l'impression que quand un enfant israélien est touché, en fait, l'enfant français est touché de la même manière, au même moment, à la même intensité et tout ça, alors que, non, en fait, quand quelque chose se passe sur ton sol, ça se passe pas sur le sol d'à côté, hein, faut être sérieux. Et les mêmes qui, limite, faisaient barrage à Jean-Marie Le Pen parce que, sur l'immigration, c'est un facho, je sais pas quoi, sont les mêmes qui, là, d'un seul coup, se rallient à Israël. Alors, c'est un peu du Bernard-Henri Lévy, où on fait du Évola Paris et du Barès en Israël, quoi, où d'un côté le nationalisme c'est permis, c'est même un devoir, et de l'autre côté on n'a plus le droit. Et les seuls partis politiques donc qui prennent le courant inverse, et encore, c'est une partie de la gauche radicale, et qui sont en plus des gauchistes libertaires. Ça veut dire que les mecs ne comprennent rien du tout à la situation. Eux, le seul truc qu'ils voient, c'est ils soutenaient la décolonisation. Et donc, les Palestiniens qui se défendent, c'est la suite. Oui, alors c'est le grand paradoxe. C'est le grand paradoxe parce que la colonisation française est une colonisation de gauche. Hein. Je l'ai démontré dans mes livres, n'insistons pas là-dessus, c'est totalement démontré. Et cette colonisation de gauche va complètement changer d'universalisme entre les deux guerres. Et encore plus au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et elle va passer de l'apologie de la colonisation à l'apologie de la décolonisation. Et la droite française, qui était anticoloniale, se retrouve avec le bébé dans les bras. Et c'est elle qui va défendre les colonies, alors que la gauche sera passée dans le mouvement anticolonial. Donc ça va permettre à la gauche de faire porter le péché éternel à la droite, péché éternel de ses propres œuvres. Ce qui est un paradoxe absolument incroyable. Mais grosso modo, c'est... Faut pas avoir en eux des super intellectuels. Hein. C'est des gogoles, les mecs, ils raisonnent juste comme ça. C'est un réflexe pavlovien. Israël en a profité pour nommer des chefs qui sont encore plus nationalistes et encore plus religieux, c'est-à-dire juifs messianiques. Si bien que quand t'es un libertaire dégénéré gauchiste, tu comprends pas du tout la grille de vision qu'ils ont. Et par exemple, quand ils détruisent la mosquée d'Al-Aqsa, c'est parce qu'ils estiment que le troisième temple juif est à ce positionnement. C'est-à-dire qu'il faudrait récupérer ce territoire pour ici reconstruire les bâtiments qui passent d'une religion à une autre. Ça s'est vu plusieurs fois, ça, comme les protestants nous ont pris ou les anglicans d'anciennes églises, quoi. Donc y a ça quand même, toute cette vision, ils peuvent pas le comprendre, tout simplement parce que c'est des gauchistes dégénérés, quoi. Et là, évidemment, l'événement d'Arras, manipulé ou non, de toute façon, c'est même plus un sujet. On voit que c'est un petit peu dans la lignée de dire « Ah, le Hamas vous a touché, venez nous faire des bisous, on est copains », alors que ça n'est pas le cas. Si on regarde bien, les pèlerins chrétiens sont crachés dessus, et c'est pas le seul phénomène qu'il y a eu dernièrement en Israël. C'est très intéressant, et notamment le fait que certains juifs sont cosmopolites en France ou en Occident, et très très très identitaires, voire plus pour Israël et pour leur communauté. Ça permet de faire un point, parce que ça n'a pas été fait pour l'instant de ma part, mais c'est vraiment quelque chose que je trouve fondamental, sur qu'est-ce qui anime la politique française depuis 1789 ou depuis 1945, selon où on se situe. C'est une haine du christianisme et des Blancs. Et quand on comprend ça, quand un jeune patriote ou un jeune nationaliste ou un jeune droitard comprend que ce qui motive nos adversaires politiques et nos ennemis, c'est la haine du Christ et la haine des Blancs, eh bien on comprend tous les comportements politiques dont on peut être témoin effectivement dans ce genre de période. Dès le début, le conflit s'est installé, quoi. Donc on a forcément la crucifixion du Christ, elle n'est pas venue nulle part. Tous les apôtres, à part Saint Jean, sont morts martyrs. Parmi les pères de l'Église, quasiment tous les pères apostoliques, pareil. Donc dès le début, le judéo-christianisme n'a pas marché. Je suis venu dans ce monde pour donner la vue à ceux qui ne peuvent pas voir, et aussi pour ôter la vue à ceux qui peuvent voir. Ai-je bien compris ta pensée? Selon toi, nous qui sommes des justes sommes aveugles. Si vous étiez aveugle, alors vous seriez pur et sans péché. Mais tant que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. Cet homme-là est possédé du démon! C'est un imposteur! Un fanatique, un fou, un menteur! Malheur à vous, scribes et pharisiens! Hypocrites que vous êtes! Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux! Vous n'y entrez pas vous-même! Et vous n'y laissez pas entrer ceux qu'ils désirent! Conducteurs aveugles! Vous coulez un insecte et vous avalez un chameau! Vous pliez devant la lettre de la loi et vous trahissez le cœur de la loi! Justice, miséricorde, fidélité! Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes espèces d'impuretés! Vous voyez ces pierres? Eh bien, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Votre maison sera laissée triste et déserte. Elle sera le domaine des lézards et des araignées. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Enfin, le christianisme ne pouvait jamais sortir de l'état d'esprit juif parce qu'ils sont complètement opposés. Tu rappelles Jésus, même tous les premiers martyrs, c'était ça, et ça s'est continué ensuite. On a les hérésies qui ont été encouragées. Il y a même des historiens juifs qui avouent que c'était les juifs qui imprimaient les écrits de Luther. Durant le développement du gnostisme, c'était pareil. Ensuite, les sociétés secrètes, on sait très bien que toute la symbolique dans la franc-maçonnerie, elle est d'inspiration juive. Ensuite, on a le communisme. Ensuite, on a ce qu'on voit actuellement avec la révolution sexuelle. Ça n'a jamais marché en aucun temps. Mais d'ailleurs, ça détruit. Parce que ce qui peut te dire aussi le païen, c'est oui, aujourd'hui, il se comporte comme ça, mais en fait, c'est parce que le poison est arrivé à maturité. Alors, t'imagines, pour détruire un peuple, inventer un poison qui doit mettre 2000 ans à faire effet, ça, c'est quand même... une histoire... Ah ouais, c'est un complot sur 2000 ans, quoi. C'est quand même énorme comme truc. Bah sur plus, en fait, parce que le problème, c'est que tu as aussi des prophéties. Le souci pour eux, c'est que, on pourrait y revenir peut-être un peu après, mais c'est que tout a été annoncé, en fait. Leur état d'esprit au moment de la venue du Christ, l'état d'esprit des Juifs au moment de la venue du Christ, c'est pas du tout... on le voit bien avec ce qui s'est passé en l'an 70, durant la destruction de Jérusalem, et un siècle plus tard, avec la révolte de Bar Kokhba, sous l'empereur Hadrien, où ils sont complètement annihilés. En fait, ils sont dans une optique... comme actuellement, hein, mais de domination du monde par les armes. Et ils attendent donc le Messie qui va être selon leur goût, qui n'est pas Jésus. Et en fait, eux, ils veulent Barabbas. Natsaka Baraba, O Yeshua, Kri Meshiacha, Oula Meshiacha, Urame, Uchalel, Shedzi Baraba. Ils sont avec les zélotes, et c'est les zélotes d'ailleurs qui vont prendre le dessus aux alentours de l'an 70, quand ils vont déclencher une révolte contre l'Empire romain. Ils vont remporter un certain nombre de batailles pendant les 4 premières années, ce qui va faire vaciller l'Empire romain, parce que non seulement par l'exemple d'une révolte, mais aussi parce qu'il y avait déjà une certaine diaspora juive dans tout l'Empire romain, et qu'ils pouvaient devenir des ferments révolutionnaires dans tout l'Empire. Il y avait l'apôtre Simon le Zélote, bon, pour montrer que le Christ pouvait être suivi par toute une série d'hommes avec des caractères différents, ce qui fait que lui, c'était en effet un peu le nationaliste israélite contre l'Empire romain. Et oui, il n'y avait pas que lui dans les apôtres. Hein. Il y avait, bien sûr. Saint-Pierre était un peu Zélote. Thomas, qui a voulu absolument vérifier les cicatrices du Christ, était zélote. Donc, Simon, donc pas Simon-Pierre, un autre Simon, on appelle Simon zélote. Et puis, le plus zélote d'entre tous, c'était quand même Judas. Alors là, Judas, qui lui, a pas digéré le dimanche des rameaux. C'est-à-dire que le dimanche des rameaux, Judas, il y croyait à lui. Il voit le Christ, dans toute sa splendeur, qui monte sur... c'est pas sur un âne, c'est sur le petit de l'âne, mais je sais plus comment on appelle le petit de l'âne. Tant pis, peu importe. et qui arrive dans Jérusalem, et puis la foule est en délire, la foule est... Alors, effectivement, le Sanhédrin, donc le Sanhédrin, c'est pas une personne, hein, c'est le tribunal, le Sanhédrin, qui était contre le Christ, mais le peuple était pour Jésus, et le peuple acclame Jésus. Il y a donc des foules considérables et une liesse spontanée. Ne mélangez pas la foule des rameaux, qui est vraiment le peuple. C'est le peuple qui voit en Jésus le descendant de David, le Messie qui doit régner sur Israël. Ça, c'est vraiment le peuple. La voix du peuple. Vox populi. Et qui se trouve être là, la vox dei. Avec la racaille, rameutée par le temple, et tout le personnel extrêmement nombreux du temple qui va demander la mort de Jésus quelques jours plus tard, en hurlant « crucifie-le, enlève-le, débarrasse-le », voilà. Et donc Jésus rentre dans Jérusalem, et peut-être que, enfin c'est très certainement que là Judas a fait la rupture, parce qu'il s'attendait à « ok, maintenant on est dans Jérusalem, qu'est-ce qui va se passer ? On va prendre les armes, et puis Hérode, on va le dégager, on va lui mettre un coup de pied dans les fesses, et puis on va prendre le pouvoir, et puis après l'Empire romain et tout ». Et puis en fait, le Christ, il arrive dans Jérusalem, il profite de son triomphe, et puis il fait un discours qui ne va pas du tout dans le sens des zélotes, où finalement il leur dit « Non mais le pouvoir dont je vous parle, il n'est pas temporel, il est spirituel. » Et donc là, après le dimanche des rameaux, on peut dire que le comportement de Judas, qui était déjà un peu en contradiction avec on peut dire publiquement avec le Christ, là il est rentré concrètement en opposition avec le Christ, et ça s'est empiré. Jusqu'à la fameuse trahison que vous connaissez. Tout ça, ça a été annoncé. Par exemple, Isaïe. Oui, Isaïe qui vit environ 790 ans avant le Christ. Il nous dit « Qui est l'aveugle, sinon Israël, mon serviteur ? Qui est le sourd, sinon celui à qui j'ai envoyé mes prophètes ? Qui est aussi aveugle que celui qui devait être parfait ? Qui est aveugle comme le serviteur du Seigneur ? Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître, mais Israël n'a point de connaissance, mon peuple n'a point d'intelligence. » Ça a été annoncé 790 ans à l'avance pour marquer que les seuls qui n'allaient pas reconnaître le Messie, ça allait être eux, ceux qui auraient dû le reconnaître. Parce qu'effectivement, tout le monde s'est converti ensuite. Le monde entier, toute l'Europe, sauf qui ? Le Juif. Et ça a été annoncé. Donc bon, si c'était un complot, ça veut dire qu'il fallait qu'ils soient eux-mêmes prophètes, qu'ils remontent dans le temps, qu'ils annoncent ce qu'ils allaient faire. Mais qu'est-ce qui répond le païen, genre de truc ? J'aimerais bien savoir. Et une chose qu'on peut répondre à ceux qui parlent de judéo-christianisme, c'est qu'en fait, la vie de l'un, la vie du christianisme, est la mort du judaïsme. Et ça, il faut bien le voir, parce que la vie du christianisme, c'est aussi les prophéties du Christ, prophéties du Christ qui annoncent la destruction de Jérusalem. Donc c'est pour le juif sa mort, son suicide, la destruction de Jérusalem, destruction du temple, abolition de sa religion, parce qu'il ne pouvait que célébrer le sacrifice dans son temple, voir la chrétienté qui triomphe pour le juif. De voir des encyclites « Sicut Judaeis non » qui le réduit à un état misérable au plan civil, où il est nommé. Rien que ça, c'est la plus grande preuve. Dans le christianisme, dans le catholicisme, le juif est nommé. Il n'y a rien qui déteste plus que ça, même les païens en conviendront. Et toutes les expulsions qui se sont prises dans tous les pays, ils auraient favorisé quelque chose qui fait en sorte qu'ils soient expulsés de partout, qui instaure une inquisition pour aller les débusquer. Non, c'est ridicule. Qui habite son lieu de résidence actuel, lui ou ses parents ou ses ancêtres, depuis plus de 50 ans, qui lève la main. Personne. Moi, je fais cette conférence dans tous les pays du monde, quand j'ai un public juif devant moi, sur 100 personnes, tu as maximum 5% qui lèvent la main, pour 50 ans. Les chiffres disent la chose suivante. En résultat des persécutions incessantes et des expulsions forcées, la plupart des juifs sont de nouveau venus dans leur pays de résidence respectif. 90% des juifs n'y sont que depuis un siècle, ou moins. Si tu prends tous les juifs du monde entier, dans tous les cas de figure, dans tout, etc., tu auras 10% qui datent depuis plus d'un siècle. Avec le public francophone, 50 ans, d'habitude, tu arrives à beaucoup moins de 10%. Mais tu prends tous les juifs dans le monde entier, tu verras que c'est que 10% qui ont plus d'un siècle. Si je m'attends devant moi un public anglais, allemand, russe ou français, non juif, combien de mains se lèvent ? La majorité, la grosse majorité. Les gens habitent leur pays, eux leurs ancêtres, depuis très longtemps. Nous, on est toujours nouveaux venus. Tu me dis les Nord-Africains. Mais c'est pas si simple, Nord-Africains. Moi, ma femme, elle est marocaine. Mais ils étaient à Amsterdam, après ils étaient en Espagne, ils sont redescendus, l'Almohade, les machins, ils sont venus. Ils ont bougé, les Juifs. Regardez ici une carte historique qui nous montre comment, entre l'an 1000 et l'an 1500, expulsion. Chaque tache noire, c'est une expulsion forcée. Tu en as 15. Entre l'an 1500, tu as 15 expulsions forcées. En moyenne, tous les 33 ans, tu as un ange qui vient, coup de pied aux fesses, tac, tu dégages. Pardon ? En Espagne, bien sûr. 1492. Portugal, Provence, Hongrie, etc. etc. Je ne vais pas vous tout vous lire. Hein ? Alors, il y a une période où on était. Tu y restes, t'as toujours un âge d'or, comme tu dis dans chaque pays, t'as un âge d'or. Puis un beau jour, pic, tu dégages. Regardez-vous. Regardez vos ancêtres, regardez vos parents, regardez une carte, c'est pas été inventé. On est nouveau venu. C'est la fameuse parabole du juif errant. Elle n'est pas née comme ça, il n'y a pas de fumée sans feu. Rien à rajouter sur ce qui a été dit, je suis complètement en phase et je ne connaissais pas les références qu'a cité Enzinco, donc je le remercie, c'était édifiant, moi je pense que c'est édifiant aussi pour les auditeurs. Et tout ça bat bien en brèche, effectivement, cette histoire de judéo-christianisme. Ouais, donc juste pour en rajouter une sur le parallèle un petit peu oppression des deux côtés, Attali, on voit bien que bon, il y a chez lui et d'autres hein, dans la communauté, comme on disait, bon, il y a certains juifs, peut-être à la Golnadel ou Zemmour, qui vont être un peu plus, se découvrent plus patriotes, on va dire, et ceux qui sont franchement plus affichés gauchistes. Donc dans le discours d'Attali, bon, on voit bien qu'il y a le côté, il faut remanier notre histoire si on ne peut pas l'effacer, pour nous faire avaler les couleuvres du cosmopolitisme, du métissage, des choses comme ça. Donc on commence à dire « Ah mais non, mais l'islam est présent en France depuis un millénaire. » Qu'est-ce qu'on vient nous faire chier avec ce truc ? L'islam est en Europe depuis 3000 ans. Que vous êtes, vous, votre histoire, c'est un mélange de couleurs, etc. Et c'est exactement la même chose pour l'État sioniste vis-à-vis de la bande de Gaza. Donc ils aimeraient bien qu'elle n'existe plus. Puisque c'est quand même un bout de terrain perdu à l'échelle du pays, en quelque sorte. Hein. C'est dérangeant hein, pour tout nationaliste qui se respecte. S'il y avait une communauté de 2 millions de personnes en plein centre de ton pays, bon, bah, c'est sûr que c'est un sujet. Donc, d'où l'hystérie et la violence employée. Et c'est pareil avec eux, quoi. Vous n'avez pas d'histoire, vous êtes des bédouins, etc. En fait, le fait d'effacer ton histoire permet de détruire ta mémoire et ensuite de t'attaquer pendant que eux font l'éloge de leur mémoire à fond, allez hop, et la grand-mère qui joue du violon et tout ça. Quoi. Comme il y a combien ? Il y a 15 jours, tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez nous tuer ? Bah, dites-le plutôt clairement. Et je voudrais réagir effectivement, Rex, à ce que tu viens de dire. C'est important d'avoir des points de vue raisonnés qui viennent de loin. On sent que quand tu parles, effectivement, il y a des racines très profondes, intellectuelles notamment. Et je voudrais, là, c'est plutôt un message militant qu'un message réflexion. Mais vous n'êtes pas obligé de prendre parti dans la demi-heure. Il faut que le milieu, quand je parle du milieu, hein, je prêche pour ma paroisse, hein, je parle du milieu nationaliste français, du milieu FARF comme on dit, il ne faut pas forcément avoir à donner son avis dans le quart d'heure, il ne faut pas forcément suivre tel ou tel influenceur, on n'est pas obligé de prendre parti tout le temps et tout de suite, et on n'est pas obligé de suivre le rythme de la fausse information continue, etc. Et c'est important d'avoir des points de vue qui s'ancrent dans un savoir, et donc de bien se former, de bien écouter les gens intéressants avant de prendre parti notamment. Oui, bah c'est ça, on le fait avec la culture que l'on a, mais enfin, je faisais un parallèle en tout cas qui me semble pertinent, même si évidemment, on ne sera jamais... On va d'abord défendre ce qui relève du monde blanc et du monde chrétien avant tout, de toute façon. Ça c'est clair et net. Et là, on a aussi le problème des néoconservateurs, en fait, puisque c'est bon, en France, c'est introduit par Sarkozy, et on voit bien ce que ça a été aux États-Unis. D'ailleurs, les nationalistes blancs, c'est ce qu'ils savent bien dénoncer, parce que voilà, depuis, bah, eux, c'est surtout l'appareil Bush, en fait, où t'as eu toute une série de partisans d'État d'Israël et aux origines, voilà, qui vont avec, si j'ose dire, qui nous ont pondu un genre de patriotisme cachère. Et d'ailleurs, c'est ce dont on souffre, puisque Sarkozy, il a parlé d'identité nationale, alors on se dit, il va ouvrir une boîte de Pandore, il fait son Jean-Marie Le Pen avec Buisson et tout ça, sauf que finalement, ça a été remanié là aussi. Notre identité nationale, c'est quoi ? Ah bah, c'est un mélange de couleurs, c'est tout le monde devient français, etc. Quel est l'objectif ? Ça va faire parler, mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Défi du métissage que nous adresse le XXIe siècle. Le défi du métissage, la France l'a toujours connu. et en relevant le défi du métissage, la France est fidèle à son histoire. Un petit peu comme la constituante là, qui disait voilà, si tu habites en France, tu travailles et que tu nourris un vieillard, c'est monté français. Quoi. Donc, grosso modo, tu caresses un chat. Voilà, si tu caresses un chat, tu ramasses un petit peu son caca, c'est bon, t'es français, quoi. C'est comme ça que ça marche, quoi. Bah aujourd'hui, il faut juste venir, hein, donc ça. Oui, ils sont plus français que nous, hein. Ouais, c'est en fait, déjà l'assimilationnisme, c'était une dégénérescence, genre on fait pas nos propres enfants, etc. Mais alors l'intégrationnisme, c'est vraiment encore plus, c'est la phase d'après et encore plus larguée, quoi. Et même, si je peux me permettre, l'assimilationnisme, quand il y a plus de 5, 6, voire 7 millions d'allogènes dans un pays aussi petit entre guillemets que le nôtre, c'est une aberration extraordinaire. Oh, x2, hein, je crois que tu peux multiplier les chiffres x2, Bruno. Mais bon, peu importe, hein. Même déjà à partir de 3-4 millions, je veux dire, c'est réglé, quoi. La question ne peut plus se poser. Je le répète, hein, je préfère largement un morsaille ou un je sais pas trop qui, comme racaille, parce qu'au moins on voit la différence très nette, qu'un intellectuel comme ça, qu'un Youssouf Indy, je sais pas quoi, qui va porter les lunettes, il veut dire, bon, écoutez, moi, je suis français comme vous. Non. Ah, faut arrêter. Ouais, Morsay, il laisse des répondeurs à Soral en disant qu'il nique les Illuminati, donc c'est bien, tu vois. Ouais, voilà. Non, voilà. Je suis désolé, mais tu montres ça, là, en français moyen, il se dit, ah ouais, quand même, l'Algérie, non, merci, quoi, tu vois. La chatte à tout le Front National, moi, c'est ouais, pas un baisse, ou deux, vous tous. Vous pas les procès, on vous baisse. Pas, vous baisse, on lâche pas l'affaire, bon enculé. Je suis avec Cortex à 100%, il baisse le Front National et moi avec. Voilà. Nique la chatte à ta grand-mère, la reine, depuis tout le Front National. Vous n'allez pas perdre, on va vous mettre des bons. Pas la honte, hein. Al-Qaïda, on va vous pas d'argent, on va... que mon argent de mes poches, là, que je vous donne. Tenez, vous allez perdre. Je vous chaud, on va faire les papiers. Al-Qaïda, ils vont venir, ils vont vous exploser, mon mère. Sachant que Morsay, contrairement à Youssef Indy, il dit bon, bah, il y a des racistes, s'ils le pensent, tant mieux pour eux. Voilà, dans une de ses dernières interviews, il dit ça. Bon, bah. Moi, je préfère Morsay à Youssef Indy. Il y a Bassem Bakri aussi qui est un petit peu dans le genre. Voilà, je préfère mille fois sucer Jean-Marie Le Pen au dernier des gauchistes et tout. Quoi. C'est un peu cette tendance-là quoi, qui existe. Bobby, est-ce que tu m'autorises à raconter une petite histoire pour achever les païens? Vas-y, je t'en prie. Tu vas encore ajouter des gens dans nos camps de travail en train de casser des cailloux avec le marteau de Thor, c'est ça? Je veux raconter une histoire de Julien L'Apostat, des Juifs et du Temple. Toujours dans le même ordre d'idées par rapport aux Juifs et au christianisme. En fait, Julien L'Apostat, on est en 363 après Jésus-Christ. Julien, qui bon, a été retenu par l'histoire comme Julien L'Apostat, est empereur de l'Empire romain, qui a été élevé comme un catholique, mais qui a, comme son nom l'indique, apostasié. Et c'était quelqu'un d'assez érudit, qui était au courant de nos prophéties, donc à la fois des prophéties de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament de Jésus, concernant la ruine de Jérusalem et la ruine du Temple. En particulier, il y a une prophétie super claire de Daniel, chapitre 9, verset 26, où il annonce déjà le moment où va venir le Christ. En fait, c'est les fameuses 70 semaines de Daniel, qui, en fait, Daniel, lui, vit en moins 550 avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça, au moment où il y a l'exil à Babylone. Et il annonce qu'à partir du moment où Jérusalem a été détruite par Nabucodonosor, à partir du moment où Jérusalem sera restaurée et reconstruite, il faudra commencer à compter 62 plus 7 semaines, donc 69 semaines, et qu'à ce moment-là, il parle, le Christ sera mis à mort et le peuple qu'il aura renoncé ne sera plus son peuple. Donc si on fait en fait, c'est le roi Artaxerxès de Perse qui, vers 445 avant Jésus-Christ, a donné l'ordre de reconstruire Jérusalem. Si on convertit les semaines en semaines d'années, donc un jour égale une année, ça nous donne 490 ans pour les 70 semaines. Et donc les 69 semaines, ça fait 483 ans. Si vous ajoutez ça à l'an moins 445 avec des années juives de 360 jours, vous tombez en 30 après Jésus-Christ. Ah, c'est bon, le compte il est bon. Donc effectivement, le Christ a été mis à mort à ce moment-là, et il nous dit le peuple qu'il aura renoncé, sous-entendu, hein, c'est pas dur de comprendre les juifs, ne sera plus son peuple, donc répudiation du peuple juif. Et il nous dit un peuple avec son chef qui doit venir détruira la ville et le sanctuaire, elle finira par une ruine entière, et la guerre ne finira que par l'extrême désolation à laquelle la ville sera condamnée, ce qui s'est passé. Il confirmera son alliance avec plusieurs et l'abomination de la désolation sera dans le temple et la désolation durera jusqu'à la consommation et jusqu'à la fin. Dans cette prophétie et dans une note du Christ, que je me permets de citer, où il dit « Ils tomberont sous le tranchant du glaive », en parlant des Juifs, « Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations », dispersion, « et Jérusalem sera foulée aux pieds par les gentils jusqu'à ce que les temps des gentils soient accomplis. » Donc en fait, dans les prophéties, il y a cette idée de durée de la ruine de Jérusalem, ce qui importe particulièrement à notre sujet, et du temple, qui n'est toujours pas reconstruit. Vous pouvez regarder sur Internet, c'est une esplanade, il y a une mosquée dessus et un truc, mais bon, le temple n'est toujours pas reconstruit. Donc notre ami Julien l'Apostat, il était au courant de ces prophéties-là, et il avait apostasié, et son ambition, c'est un grand, il va former un projet, le projet c'est de prouver que la religion était fausse. Comment? En reconstruisant Jérusalem, et surtout en reconstruisant le temple de Jérusalem. Donc là, je vais vous dire ce qui s'est passé. Il a voulu faire ça. Donc c'est absolument attesté, ce que je vais vous dire, par les auteurs chrétiens, mais aussi les juifs, les païens et Julien lui-même. Donc il envoie une lettre aux juifs pour leur dire qu'il va les ramener dans Jérusalem, il va leur redonner tout. Même ils ne paieront plus d'impôts. Enfin, ils se montrent super gentils, ils rassemblent des architectes, des ouvriers, ils nomment un intendant, Alypius, ils filent plein de fric, et il y a tous les juifs qui accourent. Dès qu'on parle de pognon, les juifs accourent. Ah oui, oui, bon, je ne sais pas s'il y a un étonnant. Tous les juifs ont de l'or dans un petit sac autour de leur cou, alors tu me le donnes. Venez les mecs. Les juifs trimballent pas d'or dans un petit sac autour de leur cou, Cartman. Arrête de déconner. Mais je déconne pas, Kyle. Si on survit, je refuse de vivre dans la pauvreté. Donne-moi ton or de juif tout de suite. On n'a pas le temps pour tes blagues à la con, putain, on va mourir. Oui, mais tu peux vivre si tu me donnes ton or de juif. Prends ta décision, Kyle. Putain de merde, tu le sais que je travaille pas d'or dans un petit sac autour de mon cou, Cartman. Qu'est-ce que t'attends de moi? Je veux ton or de juif. Ok, très bien, je te le donne. Allez, tirons-nous. Tu crois que je suis débile? Je sais que tous les juifs ont un faux sac d'or autour du cou pour protéger le vrai sac d'or autour de leur cou. Envoie le vrai sac d'or juif, Kyle. Ils sont venus et on raconte même que les femmes, en fait, prenaient la terre à l'intérieur de leur robe tellement ils étaient zélés. Donc, ils creusent les fondations, donc ce qui implique la destruction de ce qui restait des fondations. Et au moment où ils essayent d'en poser une nouvelle, en fait, les éléments commencent à se déchaîner. Donc, on parle d'ouragan, de tremblement de terre. Et le plus frappant, c'est qu'on parle d'irruption de feu souterrain, de boules de feu qui sortaient au niveau des fondations. Et à ce moment-là, Julien n'ose poursuivre. Là, bon, on a énormément d'auteurs chrétiens qui l'attestent. On a Saint Jean Chrysostome, Saint Ambroise, énormément d'historiens, dont l'un d'eux, d'ailleurs, Sozomène, nous dit, en fait, il n'y a pas besoin d'autre preuve que le fait qu'ils ont abandonné le projet, puisqu'en fait, étant l'Empire romain, il n'y a rien qui pouvait les arrêter. Ils avaient les ressources, il n'y avait personne qui pouvait s'opposer. Donc, rien que le fait qu'ils aient abandonné le projet prouve qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable. Et on a aussi, malheureusement pour nos amis païens, on a aussi des témoignages, d'abord d'un juif, d'un rabbin, que j'aimerais beaucoup vous lire, parce que c'est vraiment génial. Donc c'est un rabbin qui s'appelle Gédalial, qui est juif, hein, il n'est pas du tout converti. Et mon oncle Jacob, qui arrive de New York, il est rabbin, mais il n'est pas juif. Ah si. Et qui nous dit, « Dans les jours du rabbin Chanan et de ses frères, environ l'an du monde 4349, donc lui, il compte pas comme nous, nos annales rapportent qu'il y eut un grand tremblement dans toute la terre et qui détruisit le temple que les Juifs avaient élevé à grands frais par ordre de l'empereur Julien l'Apostat. Le lendemain de ce désastre, le feu du ciel tomba sur les ouvrages, mit en fusion ce qui était de fer dans cet édifice, et ça risque de plaire Bobby, et consuma un grand nombre de Juifs. Ah, la bonne nouvelle! Et on a aussi un témoignage irrécusable d'un païen, d'un auteur païen, d'un historien païen qui s'appelle Amien Marcellin, qui est, vous regardez sur Wikipédia, il est donné comme l'un des historiens les plus importants de l'époque, avec Procope de Césarée, et il nous dit que, bon voilà, Julien a entrepris ceci pour éterniser la gloire de son règne, de rebâtir à des le fameux temple de Jérusalem. Il chargea du soin de cet ouvrage Alypius d'Antioche. Pendant qu'Alypius et le gouverneur de la province employaient tous leurs efforts à le faire réussir, d'effroyables tourbillons de flammes qui sortaient par des élancements continuels des endroits contigus au fondement brûlèrent les ouvriers et leur rendirent la place inaccessible. Enfin, cet élément persistant toujours avec une espèce d'opiniâtreté à repousser les ouvriers, on fut obligé d'abandonner l'entreprise. Et l'ironie de l'histoire, donc du coup ils ont abandonné, l'ironie de l'histoire c'est que en voulant prouver que les prophéties du Christ, que la parole du Christ était fausse, il l'a réalisé, parce que le Christ a dit « il ne restera pas pierre sur pierre », et en fait, en enlevant les anciennes fondations, ben, il l'a réalisé. Et d'où le mot terminal de Julien Lapensta, avant de mourir, qu'on rapporte « tu as vaincu Galiléen ». Et tu vois toutes ces traces dans l'Ancien Testament dont on parle, des traces qui annoncent la venue du Christ, des traces qui sont nombreuses. Il n'y a pas toute la précision qu'on peut avoir dans le Nouveau Testament. Il y a pas, la Trinité n'est pas vraiment abordée, en tout cas pas clairement. Mais en tout cas, il y a de nombreuses traces qui annoncent la venue du Christ et qui sont présentes vraiment dans beaucoup de livres de l'Ancien Testament. Les Juifs ont une part de responsabilité dans la non-reconnaissance du Christ, puisque c'est un travail qu'ils auraient dû faire. Les pharisiens auraient dû enquêter là-dessus. Puisqu'ils attendent, ils attendaient le Messie. Ils auraient dû se dire, OK, quand est-ce qu'il va venir? À quoi il va ressembler? Qu'est-ce qu'il va faire? Tout un tas de questions, un vrai boulot de fond, d'apologétique, j'allais dire, pour savoir, en gros, à quoi allait ressembler le Christ. Et ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait le boulot-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la place? En fait, ils avaient le nez dans le guidon. Ils ont fait, ce qu'ils faisaient toujours, la loi. Voilà. Donc, la loi, OK, le samedi, il faut que je fasse ci, il ne faut pas que je fasse ça, j'ai le droit à 30 pas, il ne faut pas que je fasse... Voilà, sans fin. La loi, la loi, la loi. Et ils ont perdu l'esprit de la loi, qui est le plus important. Et donc, ils sont arrivés en face d'un Christ qu'ils n'ont pas compris. Et c'est de leur faute. Ils auraient dû faire ce boulot. Ne t'étonne pas que j'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Le vent, c'est l'Esprit Saint. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Alors là, Nicodème se dit, il y a des choses que je ne comprends pas. Il pose une question sur la pointe des pieds. Comment cela peut-il se faire, dit Nicodème. Autrement dit, j'ai rien compris à ce que dit Jésus. Et alors là, Jésus est un peu sévère. Et à juste titre. Tu es docteur en Israël. Tu es docteur en Israël. Et tu ignores cela. Les pharisiens ne s'occupaient que de longueur, de vêtements, de franges, de trucs comme ça, de manger ceci, pas manger ceci, faire tant de pas le jour du sabbat, faire pas tant de pas. Enfin, à force de s'occuper des questions futiles, secondaires, voire inexistantes, ben, ils s'occupaient pas de l'essentiel. L'essentiel, c'est que Israël vit de la foi en tant que Dieu unique, hein, et qu'il aurait dû deviner que ce Dieu unique avait un fils, et que c'est l'Esprit de Dieu qui change tout. Alors, il y a juste une nuance que je me permets d'apporter à ton propos, c'est qu'il faut quand même distinguer entre l'ancienne synagogue, en fait tout ce que je vous dis, d'ailleurs je ne l'ai pas inventé, je l'ai chopé dans ce qui s'appelle la Christologie de l'abbé Mestre. Il y a ce que je vous dis fois un milliard, enfin, il y a trop de preuves, c'est chiant la fin. Vous pouvez trouver les PDF sur le site liberius.net, Christologie de l'abbé Mestre, et en fait il établit des colonnes de témoignages pour les faits divins du Christ. Donc la première, c'est les prophètes, l'Ancien Testament, et la deuxième, c'est l'ancienne synagogue, justement, qui en fait, c'était un petit peu l'équivalent de l'Église, qui avait le droit d'interpréter, en fait, d'identifier le sens des prophéties, parce qu'il y a un sens des prophéties, et il s'en sert comme d'un témoignage contre les Juifs, parce qu'en fait, l'ancienne synagogue avait tendance à interpréter justement, en fait, les prophéties. Donc c'est vraiment à partir du, peut-être un peu avant, mais à partir du Christ qu'est née une race très très perverse, quoi, qui vient jusqu'ici, c'est tout ce que je voulais dire. Et puis les Juifs, bon, qui donc attendent le Messie alors qu'ils ont refusé le vrai, en fait, ils l'ont refusé notamment parce qu'ils voulaient un chef politique unificateur d'Israël, voire impérialiste, en fait. Et comme le Christ était un chef d'ordre spirituel, même s'il est le Christ roi des sociétés également, mais son ordre n'est pas de ce monde, comme il le disait, donc ça ne leur a pas plu, et c'est un des motifs de refus de la part des Juifs qui attendent également, encore aujourd'hui, un Messie qui est un chef politique. Sur les anecdotes incroyables qu'a raconté Elzinko, deux petites réflexions très courtes, mais Julien, alors mon histoire antique elle est partie loin, mais je crois que dès l'enfance ou la préadolescence, il a été pris sous la coupe d'un oncle païen qui lui a enseigné entre guillemets l'histoire des vrais dieux de sa race, et je pense qu'il était sincère quand il était païen, et du coup qu'il était sincère quand à la fin il a dit la phrase qu'a citée Elzinko sur la victoire du Galiléen. Et deuxième chose, effectivement, Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être pas assez souvent rappelé, Elzinko l'a bien rappelé, c'est que la plupart des événements juifs, des événements chrétiens, pardon, des événements de la religion chrétienne, sont attestés, sont témoignés sur place à l'époque par les contemporains, par un grand nombre d'auteurs juifs ou d'auteurs païens, qu'on ne peut pas, à l'époque, inculper de sympathie christique. Effectivement. Et ce qui m'amène à ma conclusion malheureuse, messieurs les païens, convertissez-vous. Là, comme vos ancêtres. Comme vos ancêtres. C'est pas possible. Hein. Moi, je dis pas ça pour dire du mal des païens, pas du tout. C'est des mensonges du diable qui les aveugle, en fait. Mais qui les aveugle, malheureusement, c'est dur à dire, mais comme le juif est aveuglé. Et il m'a dit, va, et dis à ce peuple, vous entendrez, mais vous ne comprendrez point, vous verrez, mais vous ne saurez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Ésaïe 6:9. Parce que la double ironie de leur position, ça c'est cette histoire de les juifs ont inventé le catholicisme, il n'y a pas tous les païens qui pensent ça, ils disent, mais non, c'est beaucoup plus fin que ça, mais la masse brutale des païens vont penser ça, et ils vont se reposer sur des gens intellectuellement plus déliés, qui, eux, vont partager des ouvrages comme ceux de Sells, par exemple, et sans se rendre compte qu'en fait, Sells détruit cette position que les Juifs ont inventée le christianisme, parce que Sells, qui vit en à peu près 100, 170, quelque chose comme ça, est un des témoins, on peut s'en servir comme un témoin des événements évangéliques, parce que dans ses ouvrages, à aucun moment donné, il nie ce qui s'est passé, il nie l'existence de Jésus, de ses miracles. Ce que va faire Sells, en fait, c'est qu'il va prétendre que Jésus était un magicien. Il va dire, il va parler d'opérations magiques, d'enchantement. Mais concernant les faits dont il est le voisin, il ne va rapporter aucun fait décisif, aucune contradiction au témoignage des chrétiens. Et donc ça, c'est la première ironie, c'est que les héros des païens détruisent leur position. La double ironie, l'entortillement double, c'est que cette position de Jésus magicien, c'est celle des juifs. La voix prophétique a, pour convaincre les incrédules, quelque chose de plus fort que la voix même descendue du ciel et que les miracles. On attribuait à la magie les miracles opérés par Jésus-Christ, on aurait pu attribuer à la même cause la voix céleste, mais on ne saurait y attribuer les prophéties. Dira-t-on qu'un homme était magicien avant de naître ? Saint Augustin. Si vous ouvrez le Talmud de Babylone, dans le Sanhédrin 43a, voilà ce que vous lisez. À la veille de la Pâque, Jésus fut pendu. 40 jours avant son exécution, un héros s'écria, « Il va être lapidé parce qu'il a pratiqué la sorcellerie et incité Israël à l'apostasie. » L'identification, vous finissez par penser comme des juifs. Et malheureusement, si vous continuez sur cette voie-là, ben, ce n'est pas le seul point commun que vous allez avoir avec eux. Vous allez détester le Christ, comme eux. Vous allez aller avec eux pour cracher sur lui. Vous êtes avec le juif quand vous faites ça. Vous allez vouloir, en fait, vous allez être jaloux du juif. Vous allez vous prendre vous-même pour le peuple élu. Alors, nous, on est fiers de la race blanche, effectivement. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais Dieu transcende tout ça. Dieu n'est pas particulier à un peuple. Dieu n'est pas tribal. D'ailleurs, tout ce qu'on a dit, ça détruit aussi ce que disent les martionnistes hein, sur... l'Ancien Testament pro-Israël, Dieu tribal, il ne balancerait pas comme ça, comme on vient de le voir sur les Juifs, en disant qu'il va les abandonner si c'était un Dieu tribal des Juifs. Et la pire des choses, c'est que ces païens-là, ils finissent par avoir la même lecture de la Bible que les Juifs, une lecture charnelle, où ils vont tout le temps nous rapporter ces versets qui, soi-disant, montrent que Dieu est pour la domination d'Israël sur les nations. Ça, ils vont les partager, ils vont mettre des captures d'écran. Mais tout ce qu'on vient de vous dire, qui est dans l'Ancien Testament, ils ne vont jamais vous le partager. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont la même lecture. Ils comprennent la Bible comme les Juifs. Oui, et il y a une littérature importante à connaître du cardinal Faulhaber, qui a un peu soutenu le régime national-socialiste allemand, et ensuite plutôt hostile, enfin ça dépend de quel point, disons, qui a défendu l'héritage de l'Ancien Testament en chair, donc lors des sermons, et puis je crois que les éditions de Chéré les ont éditées, où on peut voir que c'est tout de même un héritage littéraire intéressant. Bon, déjà, les prophéties annoncent la venue du Christ, et le Christ réalise les prophéties de l'Ancien Testament, donc il l'accomplit, il achève en quelque sorte le judaïsme en l'accomplissant et en le tuant, c'est-à-dire qu'il est fini, c'est en ça qu'on est l'ennemi le plus radical du judaïsme, ce qui est de la philosophie et théologie que propose Merel, en ce en quoi il a raison. D'ailleurs, on peut les accuser d'avoir une culture très violente dans l'Ancien Testament, où c'est pas mal des histoires d'orgie, de machin, mais finalement, quand on remonte dans l'ancien temps, le monde antique, tout n'était-il pas violent? L'éducation homosexuelle des Grecs, tu avais quand même droit de vie et de mort quand tu étais père de famille romain, etc. Même œil pour œil, dent pour dent, dans le contexte d'époque, finalement, c'était une petite amélioration où tu lui fais à ton frère pas plus de mal qu'il t'en a fait. Là où, le gars, s'il t'a fait du mal, tu vas carrément le tuer, bon, c'est disproportionné. Ce qui fait que ça mettait en place quand même un petit élément juridique important. Donc oui, cher néo-païen, avant de t'abonner à la page de Thomas Ferrier et de lire Cels, sache qu'en effet, tout chrétien est un païen surmonté, d'une certaine manière, puisque nous le sommes. Un homme de nature est un peu païen s'il ne fait qu'obéir à ses instincts, disons. Et le christianisme, c'est un peu ce qui crucifie le vieil homme pour faire naître le nouveau, ce qui nous renforce, ce qui nous élève. Là où Cels propose... Alors, Cels, peut-être tout ce qu'il a écrit n'est pas horrible et dégueulasse, puisqu'il vise un certain patriotisme impérial romain où il voudrait mettre toutes les parties de son côté. Je crois qu'il il récupère à son compte les thèses du Talmud, hein, d'ailleurs, parce qu'il parle de la Vierge Marie comme une prostituée de soldats romains, quand même, hein, s'il vous plaît. Qui sont les auteurs de cette situation épouvantable? Les Juifs. Les Juifs. Et en plus, propose aux chrétiens le principe de tolérance, ce qui fait que ça nous empêche d'affirmer le dogme. Et Cels peut être très heureux, il a gagné aujourd'hui avec Vatican II, puisque Vatican II ne condamne plus l'erreur, il laisse tout passer et il détruit même la doctrine catholique telle qu'elle est réellement. Donc voilà, Cels peut être très heureux, il a réussi au moins dans ce domaine-là. Bon, l'Empire romain, il ne l'a pas sauvé, ça c'est clair. En tout cas, on a beaucoup parlé du judéo-christianisme qui ne marchait pas. Ça marche tellement pas que, pour en revenir à cette histoire de chrétiens qui se font cracher dessus par les juifs, bon, alors c'est très simple. Il y a un militant juif très connu en Israël qui s'appelle Ben Gervir. Alors je prononce sûrement très mal, mais tant pis, on va faire avec. Qui est un colon israélien qui propose la suprématie raciale juive partout sur la planète et la mise en esclavage des goyim, donc comme ça au moins c'est réglé, qui est très très populaire en Israël, qui lui a dit à propos de cet événement, de cracher sur les prêtres et les églises, que c'était une ancienne coutume juive, c'est ce qu'il a dit. Et en fait le problème c'est qu'il y a beaucoup d'Israéliens, donc nous ça nous choque, hein, beaucoup d'Israéliens qui ont approuvé, qui ont dit oui effectivement, pourquoi pas. Il a rajouté: peut-être que sous l'influence de la culture occidentale, nous avons quelque peu oublié ce qu'est le christianisme, mais je pense que les millions de juifs qui ont souffert en exil des croisades, des tortures de l'Inquisition en Espagne, d'accusations de meurtres rituels et de pogroms de masse, n'oublieront jamais. Donc voilà, donc il a la haine contre nous. Le peuple israélien, lui, il réagit soit dans l'indifférence, soit en approuvant, et bien sûr les autorités israéliennes, elles sont obligées de condamner. Elles sont obligées de condamner, mais le problème c'est qu'il n'y a que les élites qui ont des enjeux diplomatiques, qui condamnent. Ah non, là, ça va trop loin quand même, machin. Le peuple, lui, il marche, quoi. J'ai même vu un journaliste israélien qui s'est déguisé en franciscain, tu l'as pas vu, ça? Ah non, je n'ai pas vu ça. Non, il y a Yossi Lévy, le mec qui s'appelle, il s'est déguisé en franciscain, il a marché dans la rue pour voir ce qui se passait, il se faisait cracher dessus. Alors, je vais peut-être vous choquer, je m'en excuse par avance, mais je suis moins scandalisé par ce que dit ce juif qui croit en sa judaïté et qui ne croit pas malheureusement en le Christ, que dans le comportement des chrétiens et des Européens, des Occidentaux au sens large, parce que ce qu'il dit à propos de sa race, de sa communauté et de son histoire, c'est ce que nous, on devrait aussi affirmer de notre côté, c'est que oui, on assume l'Inquisition parce que c'est pas le torrent de mensonges qui est annoncé aujourd'hui, c'est que oui, on assume toute l'histoire avec la chasse aux sorcières, c'est pas ce qu'on dit, que oui, on assume toute l'histoire et que certains points de détail dont on peut pas parler, eh bien, effectivement, on n'est pas d'accord avec la pensée officielle là-dessus, et que oui, on existe, que oui, on croit au Christ, et que oui, on compte s'imposer, on compte imposer nos vues, au moins sur notre sol et sur la terre où se trouvent les lieux saints. Donc, je suis moins choqué par ce qu'a dit ce juif en tant que juif, visiblement à destination d'autres juifs, que par le comportement des chrétiens et des occidentaux. Je pense qu'il faut se servir de ce contre-exemple, entre guillemets, pour réaffirmer qui on est, pour faire un peu ce que fait cette émission à son niveau, c'est réaffirmer qui on est et qu'on cesse d'avoir honte d'être ce qu'on est et qu'on cesse d'accepter de se faire cracher dessus, pas à Jérusalem pour le coup, mais dans les médias, dans les manuels scolaires, dans les publicités, dans les films, dans les séries. Il faut qu'on retrouve ce côté communautaire, identitaire, où oui, nous sommes des Blancs, oui, nous sommes des chrétiens, oui, nous connaissons notre histoire, et ça, c'est notre boulot à nous, et de nationalistes notamment, et oui, nous assumons qui nous sommes, et nous sommes en mesure de dénoncer ce genre de mensonges, mais nous sommes aussi en mesure de, sachant qui nous sommes, de riposter si on nous diffame, si on ment sur notre histoire, si on essaie de salir la mémoire de notre pays et de nos ancêtres. Oui, on le dénonce toujours d'ailleurs à cette antenne, de dire la mollesse des chrétiens, c'est le premier problème, en sachant que finalement ces juifs sont un peu dans leur rôle. En soi, ils sont enracinés, ils sont traditionnels, ils sont identitaires, donc c'est pas ce qu'on leur reproche d'ailleurs. Ce qu'on leur reprocherait, c'est plutôt de chercher de dominer par le mensonge, là où l'homme blanc, lui, s'y domine, il essaye de le faire par le talent, quoi. C'est autre chose. Je pense que Bruno, tu touches du doigt en fait le cœur même de l'événement du crachat. Les juifs ne devraient pas cracher sur des chrétiens à Jérusalem en 2023. C'est pas normal pour parler ainsi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les juifs ne devraient pas être à Jérusalem. Je vous ai cité tout à l'heure la prophétie de Daniel et la prophétie du Christ. Le Christ nous dit que Jérusalem sera foulée aux pieds par les gentils jusqu'à ce que les temps des gentils soient accomplis. On peut se poser des questions sur les temps actuels et on peut réfléchir sur le juif en tant que juif. Pourquoi Dieu a gardé en vie les juifs, sachant ce qu'ils lui ont fait? Un élément qu'on dit souvent avec raison, et Pascal l'avait rapporté, c'est qu'ils gardent nos prophéties. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure, ils sont entre leurs mains, qui sont les gens les plus hostiles qu'on peut imaginer, donc ils n'ont pas d'intérêt à trafiquer ça en notre faveur. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est David qui va nous la donner, donc 1000 ans avant le Christ, qui nous dit « Dieu m'a fait voir, c'est le Christ qui parle, quel sera le sort de mes ennemis. Donc, ne le tuez pas, Seigneur, né okidas eos, donc ne tue pas les Juifs, de peur, pourquoi ?» Il nous dit pourquoi ?« De peur que mes peuples n'en perdent la mémoire. » Et là, après, il nous dit « Dispersez-les par votre puissance. » Humiliez-les, ô Dieu, qui êtes mon bouclier. Quand on entend parler, Bruno, on se dit, mais pourquoi? Pourquoi eux, ils arrivent à faire ça chez eux et nous, on n'arrive pas à le faire chez nous? Parce qu'il y a eu, à un moment donné, une inversion. Parce que pendant 2000 ans, qui est-ce qui était dispersé? C'était les Juifs. Bon, je pourrais citer, je vais arrêter avec les citations parce que je pourrais vous citer Moïse qui dit qu'ils seront dispersés. Imaginons que nous sommes le peuple de Dieu et qu'en fait, Dieu nous a montré en le peuple juif pendant 2000 ans ce qu'il allait nous faire si nous aussi on devenait infidèles. Mais le problème, c'est que tout le monde s'est converti, le monde entier s'est converti. Donc comment disperser le monde entier? Comment? Et un autre caractère, c'était l'opprobre. Ça, Moïse le dit, 1320 années avant Jésus-Christ, il dit « Vous serez noircis en tout temps par des calomnies et opprimés par des violences. » Ces malédictions demeureront à jamais sur vous et sur votre postérité comme une marque étonnante de la colère de Dieu sur vous. Vous tremblerez jour et nuit et ne croirez pas à votre vie. Le plus grand psychologue ne pourrait pas peindre l'état des Juifs mieux. Mais ils seront noircis. Et aujourd'hui, qui c'est qui est noirci? C'est nous. C'est l'homme blanc. C'est plus les Juifs. Voilà, tout est lié en fait. Le fait de voir des Juifs à Jérusalem en train de cracher sur les chrétiens, ça nous annonce que peut-être que le temps des gentils, si on continue dans notre apostasie, est écoulé. Et oh, comme par hasard, tout est inversé, on est devenu juif. Donc c'est assez triste, hein, je ne dis pas ça, parce que et peut-être qu'on peut encore changer le cours de l'histoire, mais ça va passer par la conversion de masse des peuples blancs. Oui, c'est un temps d'épreuve, mais je pense que souvent on dit, là j'ai peut-être un peu trop digressé, au pire vous couperez, mais souvent on dit « Ah, j'aurais bien vécu à telle époque ou à telle époque, etc. » Mais je pense qu'on est dans une époque géniale en termes d'intellect et de foi. On est dans une époque où effectivement tout s'est inversé, où nous sommes, entre guillemets, selon la démonstration des nouveaux juifs. Mais on a une crise dans l'Église sans précédent, radicale, encore aggravée par ce Vatican III, ce synode qui vient de se terminer. En fait, c'est une chance. Ça nous oblige à nous intéresser, à nous impliquer, à nous renseigner. Qui sommes-nous? En quoi croyons-nous? Qu'a dit notre religion? Que dit notre religion? Qu'a fait notre race? De quoi est vraiment coupable ou pas notre race? Et en fait, on est dans une période où on est obligé de de se recentrer sur nous-mêmes. Et finalement, j'espère, je pense, mais j'espère surtout que de tout cela ressortira, rejaillira une nouvelle aube chrétienne, une nouvelle aube française, européenne et occidentale dans le bon sens du terme. Mais je pense qu'on vit des temps qui nous obligent à une radicalité, à une recherche de l'information qui pour moi est plus que motivante, c'est vraiment, c'est emballant. On vit vraiment, je pense, dans la meilleure époque pour connaître sa religion et pour aimer sa religion et pour la défendre contre ses vrais ennemis. Je dois rajouter que, effectivement, je valide complètement les propos de Bruno. J'ai l'impression que pour l'instant, on a envie d'une sorte de République de Weimar bis. Et donc les gens pourraient se dire, ouais, bon, c'est pas rigolo la République de Weimar. Mais après la République de Weimar, vous savez, il y a un renouveau, hein, donc ça laisse rêveur. Mais enfin, ça va pas! Et puis, l'autre point qu'on pourrait dire, c'est que bah, finalement, la France, c'est devenu un pays de mission. Pas besoin d'envoyer des missionnaires en Afrique, en Asie, etc. En fait, nous-mêmes, à notre propre échelle, nous sommes devenus maintenant un pays de mission et chaque chrétien peut, et même j'ai envie de dire doit, accomplir sa mission d'évangélisation à côté de chez lui, quoi, hein, tout simplement. Il suffit de. C'est comme Macron, voilà. Il suffit de traverser la rue et on trouve du boulot. Et pour ce qui est d'un reproche d'ailleurs qui est fait à ceux qui sont un peu pro-fascistes, pro-national-socialistes allemands, ah oui, mais les nazis se définissent, quoi, la race élue comme les juifs, et genre ça serait un genre de judéomorphe. En fait, le plus gros judéomorphe qu'il y a, je vais réveiller un peu Helsinko, mais c'est évidemment la France grand monarque voilà, qui croit aux théories surnaturalistes d'un roi israélite limite qui règne au nom de la chrétienté, quoi. Là c'est le judéomorphe absolu, là où dans le national-socialisme en fait ça n'a pas grand chose à voir puisque c'était une réalité d'ordre naturel élitiste relatif aux indo-européens qu'on appelait les Aryens et tout ça à l'époque où c'était pas conflictuel comme sujet. D'ailleurs même Jean Audry pouvait en faire une thèse scientifique juste dans les années 80, il n'était pas embêté après si. Et finalement oui, là encore c'est une vérité d'ordre naturel, et si on domine, c'est par le talent et parce qu'on provoque justice et bien commun, c'est ce qu'on cible. Pas, voilà, on louvoie, on tient un discours gauchiste, mais en fait, voilà, ça n'a rien à voir avec le judaïsme qui, en plus, là, dans son élection, elle tire pas ça de l'ordre naturel, mais vraiment d'un texte biblique et d'un surnaturalisme, en fait, en quelque sorte. Je me permets de réagir, oui, effectivement. Moi, ce que je tiens à préciser, c'est que le communisme a été intégralement condamné par l'Église, alors que dans la fameuse encyclique souvent citée, sur le national-socialisme, ce sont uniquement certains excès qui ont été condamnés par l'Église. C'est une différence pour moi qui est fondamentale. Et j'en profite pour annoncer, vous couperez si c'est hors de propos, que j'éditerai pour Noël un livre intitulé « Catholicisme, national-socialisme, l'impossible conciliation, point d'interrogation voilà. ». Ça va intéresser nos auditeurs, ça, et moi-même. Ah bah du coup, on est totalement dans le temps, je vais faire un petit spoiler, puisqu'on avait déjà fait une émission spéciale sur les rapports entre on va dire, la doctrine fasciste et l'Église catholique, où justement, bah, on avait parlé de ce que tu viens de dire, Bruno. Le point d'interrogation, nous, on avait, voilà, on avait mis les pieds dans le plat. Voilà, je vous réfère à l'émission et vous ferez l'idée. Et il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées. Et donc, on a décidé pour la dernière émission de l'année 2023, pour décembre, de faire la partie 2, de répondre un peu à toutes vos questions et puis d'apporter des nouveaux éléments, puisqu'on en a marre. On en a marre, nous, bah, comme tu viens de le dire, Bruno, c'est les gens qui cite l'encyclique. Alors, je ne vais pas la citer même, parce que je ne parle pas du tout allemand, Mit Brennender Sorge, j'espère que ça se dit comme ça, je ne parle pas un mot d'allemand, mais des gens qui vont nous la citer pour dire, vous avez vu, le nazisme, c'est condamné, etc., c'est sûr de sûr, et tout, il n'y a rien à garder, il faut tout jeter au feu, et des gens qui ont même pas lu, ras-le-bol, quoi, ras-le-bol. Et une question qu'on pourrait poser à ces gens-là, c'est si l'Allemagne nationale-socialiste était l'incarnation du mal, et qu'il fallait se mettre aux côtés des communistes pour la faire tomber, alors pourquoi Notre-Dame de Fatima parle de la Russie dans son secret et ne parle pas d'Allemagne ? Dissonance cognitive, il faut qu'on les explique. Alors, soit vous ne croyez pas à Fatima, hein, donc vous prenez vos responsabilités, mais si vous y croyez, il faut nous expliquer effectivement qu'on nous parle d'une menace et qui n'est pas une menace brune, voilà, qui est une menace rouge. Expliquez-nous. C'est vrai que ce sujet, c'est un peu notre marotte. Mais voilà, moi, je pense, pour résumer un peu le propos de Helsinko, c'est en quelque sorte le juif se fait Dieu en refusant la révélation. Je pense que c'est en filigrane un peu dans la réflexion qu'il a proposée. Et là où je pense que son élection raciale, en fait, il la doit un peu à une thèse surnaturelle, puisque concrètement, c'est pas voilà, l'homogénéité plutôt intact de l'Europe centrale, quoi. C'est vraiment un peuple artificiel. Il a été formé de différents rameaux, on va dire. Ce sont des pièces rapportées un peu. D'ailleurs, Israël Shaak, qui est un juif de gauche d'un genre un peu antisioniste, qui est d'ailleurs une ligne qui a totalement perdu là-bas, et laïque, il avait l'air de le dire. D'ailleurs, eux, ça leur permet d'avoir un espèce de mythe unificateur aussi. C'est ça qui fonctionne pas mal. Mais nous, en tant qu'Occidentaux, en tant que Français, Européens, voilà, il y a le danger du néoconservatisme et de l'occidentalisme, comme je disais, où on voit que même Marine Le Pen est intégrée à l'arc républicain par Meir Habib, ce qui est une toute nouveauté. Hein. Avant, ça n'était pas possible. Et avec un occidentaliste, évidemment, je préfère ça au dernier des gauchistes, ça c'est évident. Il faut en quelque sorte défendre notre maison élargie. De même qu'on défend la France, même si c'est un peu plus théorique, voilà, le continent est important, le monde blanc est important, même si c'est un peu plus éloigné, il faut quand même sentir cette attache, quoi. Mais par contre, défendre l'Occident, je pense, c'est le défendant. En le défendant, il faut dénoncer sa décadence maximale, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du bien à nos frères et à nos frères blancs quand on leur dit « continuez, vous êtes géniaux », alors que vous êtes des boomers dégénérés 68 tard, quoi. Là, ça ne va pas du tout. Donc, il faut arriver à faire le tri des choses. Si on en est là, c'est aussi parce qu'on a nous-mêmes dégénéré d'une certaine façon, quoi. Là où la chape de plomb communiste à l'Est a ralenti un peu le temps, donc eux, ils ont moins de retard, alors qu'ils avaient l'un des pires des régimes, si l'on veut. Et en plus, cet occidentalisme a un petit regain quand même, parce qu'avec l'effet Trump, pourquoi pas Zemmour en France, des choses comme ça. Il y avait Dantec aussi, on l'a un peu oublié maintenant, mais c'était en fait le pro-capitalisme américain radical, quoi, vraiment patriote, là, pour le coup. Il soutenait ça coûte que coûte, devant la moindre ersatz de Biko, disons. Mais voilà, le point faible aussi des États-Unis, c'est que c'est une néo-Europe, un cosmopolitisme d'Europe, qui n'a pas d'histoire vraiment ancrée, puisqu'elle est récente, et d'ailleurs ils nous prennent pour des babouins à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas d'Antiquité ni de Moyen-Âge, quoi. C'est quand même l'Europe sans l'Antiquité et le Moyen-Âge. C'est un petit peu flippant de l'avoir en référence. Après, moi aussi, je fais un peu partie des gens qui sont assez anti-empire américain, mais on sait qu'il est un petit peu sur la descente, même s'il est très puissant, et le jour où il va partir, on va peut-être le regretter, parce que malgré tout, les Américains protestants avaient quand même une fibre sur la personne humaine qu'on va regretter avec les Chinois qui, eux, ne l'ont pas du tout, quoi. Je pense que les Africains, là, qui se font coloniser maintenant par les Chinois, ils doivent bien voir la différence, quoi, du gogo d'homme blanc qui arrive avec les droits de l'homme. C'est un peu différent. Là, on est un petit peu moins à l'aise. Ouais, je suis content que Rex évoque Dantec, puisque je pense qu'il y a actuellement une régression inquiétante du milieu FAF pris au sens très large, hein, qui est une position occidentaliste un peu béate, voire bébête. Et effectivement, de ramener ça dans le texte, c'est pertinent. Il y a un manque de réflexion, un manque de finesse dans le milieu sur la question Israël-Hamas ou Israël-Palestine. Et je trouve que c'est bien de ramener ça à Dantec, puisque tout ça est un peu la matrice de l'occidentalisme français. Alors, les plus jeunes n'ont peut-être pas connu ça, mais l'occidentalisme français, c'est une vieille marotte, comme on disait tout à l'heure, le mot marotte. Mais il y a un déficit de réflexion et d'ancrage dans ce qu'on est nous. Et je reviens à ce que je disais un peu plus tôt sur le sujet dans l'émission, c'est avant de se positionner, qui sommes-nous et que devons-nous en penser ? Puisque, effectivement, les positions bêtement occidentalistes, en général, elles vont plutôt servir un certain parti qui n'est ni le parti des chrétiens ni le parti des blancs. Pour résumer ma pensée sur le sujet, si nous en sommes là, c'est en apostasiant, en embrassant la cause du juif contre l'Allemagne nationale socialiste, qui a vu les forces de l'enfer se ruer sur elle pour éviter que le fascisme se répande dans le monde et ne détruise l'accaparement de tous les biens par le capital. En faisant ces deux choses, nous sommes devenus juifs. Malheureusement, hein, Mais ce n'est pas un hasard si, après la Seconde Guerre mondiale, les portes de l'enfer se sont ouvertes dans les années 60. Alors, on a eu le concile, on a eu la messe, on a eu le rock'n'roll, on a eu les boomers, la génération des boomers, on a eu la libération sexuelle, on a eu Hollywood, ce qu'on a vu tout à l'heure, le porno, on a eu les lois sur la contraception de Neuwitz en 1967, et on a aussi la guerre des six jours et Jérusalem accaparée par les juifs. Et je pense que ce n'est pas un hasard si tout ça s'est produit exactement au même moment. Et en tant que catholique, on ne peut pas être indifférent à cette histoire de juifs et de Jérusalem à cause des paroles du Christ. D'ailleurs, pour ceux qui sont un petit peu endormis, je vous invite à diffuser à fond. Il y a une vidéo titrée 11 rabbins. Bon, vous pouvez mettre les mots Occident, Islam, Israël, par exemple. Et en 30 minutes, vous avez un florilège donc, de rabbins et de raves qui sont en chair, soit dans les universités israéliennes, francophones très souvent, et voire même proximité avec l'État israélien. Là, vous êtes déniaisé si vous ne connaissez pas le sujet, surtout avec celui énorme, c'est pas Ron Shaya, je sais plus si c'est Twitou ou un autre, qui fait « Islam, c'est le balai d'Israël ». Vous allez le payer très cher, les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Et vous n'aurez pas où fuir. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. Quand l'Italie disparaîtra, quand Edom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Essav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, il s'occupe. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire qu'un jour, au lieu qu'on fasse nous le travail, et on voit Ishmael pour régler le problème. Quand il va débarrasser tout ça et que le va revenir chez nous, alors c'est Melech HaMashiach. Est-ce que c'est une excellente nouvelle que l'Europe s'islamise? Oui, c'est une excellente nouvelle, car Edom, Rome va tomber, etc. L'Occident va tomber. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est marqué dans Sanhedrin. Le Mashiach viendra que quand Edom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça annonce l'envie de Mashiach. Enfin, il y a une haine tellement libre est clair que c'est tellement clair de comme de l'eau de roche qu'on tombe de sa chaise quand on n'est pas au courant quoi. Eh ben on mettra le lien en description tant qu'à faire. Allez c'est parti. Puis comme disait la Bériou, hein, c'est vrai que c'est un peuple, si on ne le ghettoise pas, il nous ghettoise. Hein. C'est un petit peu la rançon quand on ne se défend pas. Et quand on frôle aussi le cheveu d'un rabbin, il faut le savoir, c'est un pogrom. Quand la semaine dernière il y a eu un boycott TPMP, vous croyez que c'est pas un acte antisémite ça? Ben bien sûr. Non, vous croyez quoi? Moi, je vous le dis, moi. Oui, c'est un acte antisémite. Bah, écoutez, messieurs, je crois que nous avons fait le tour de ce premier sujet. On va faire une petite pause musicale. Je tiens d'abord à remercier Bruno Héroux, donc du Parti de la France, d'avoir participé à la première partie avec nous. On va le libérer. Merci beaucoup, Bruno. J'espère que tu as passé un bon moment. Eh bien, merci pour l'invitation. J'ai passé un très bon moment et j'espère que les éditeurs auront trouvé cette première partie d'émission édifiante. Merci Bruno, bah écoute, peut-être une autre fois, on ne sait pas jamais, hein, l'avenir vous le dira. Merci encore et on se retrouve pour la deuxième partie dans quelques secondes. Inch'Allah, comme on dit en France. Voilà, shalom. Nous voici de retour pour la seconde partie d'Oremus et on commence par une question qui nous a été posée sur Telegram. J'en profite pour préciser qu'on prend les questions qui sont posées sur Telegram, Gab ou Odyssée. Un utilisateur qui s'appelle Xila, qui nous dit qu'il était que c'était un ex-païen, qu'il a été appelé par Jésus et que pour l'instant il ne se considère ni catholique ni protestant, donc il est encore en cheminement. Et il nous demande une question sur les fins dernières. Est-ce que vous pensez que Dieu a un plan pour tout le monde et que tout le monde sera sauvé en Christ à la fin ? Je pense que discuter de votre position sur la doctrine de l'enfer peut être intéressant. Pensez-vous que la vérité se trouve dans la doctrine du tourment éternel, de l'annihilation de l'âme ou dans la réconciliation universelle ? Alors, je vais laisser la parole à mes chroniqueurs amis. Je vais juste rajouter un point, même très important, c'est que là, une question de doctrine très très précise. Nous, on n'est pas des protestants. Donc en fait, la réponse qu'on va donner, c'est la réponse traditionnelle de l'Église sur la question. Je n'ai pas, et je pense que personne n'a, de catholique ne devrait avoir d'avis particulier sur la question. On ne fait pas un tri dans le catholicisme. Je pense aussi, et puis je ne prends pas ça. Quelle est la doctrine catholique sur la question ? Oui, même si on ne sait pas un point de théologie en tant que catholique, et ce qui est probable pour telle ou telle chose, puisqu'il y a tellement de dogmes et de notions théologiques qu'on ne peut pas tout savoir, l'attitude catholique de base, c'est d'accepter tous les dogmes, même ceux qu'on a le malheur de méconnaître parce qu'on ne s'est pas encore penché dessus, qu'on n'en a pas assez entendu parler au catéchisme, pas assez fait attention ou quelque chose comme ça. Donc évidemment, quelle est votre doctrine sur l'enfer ? Non, c'est notre doctrine, c'est la doctrine de l'Église sur l'enfer, tout simplement. Ce n'est pas du subjectivisme, c'est pas nous qui allons dire « moi je préfère qu'il y ait des marteaux de Thor en enfer pour que Gogoleg travaille bien comme il faut ». Non, c'est comme c'est. Peut-être que Dante s'est permis... dans la Divine Comédie, une petite liberté littéraire, à dire que des fois il fait, je ne sais plus si c'est très chaud ou très froid l'enfer, mais bon, voilà. Après, il y a des détails comme ça, mais bon, ce que dit le magistère, ce que dit la doctrine de l'Église, c'est ce qu'on fait nôtre. Cette question ne m'étonne pas, elle revient très souvent chez nos contemporains, en fait. C'est un petit peu l'inquiétude de nos contemporains, soit par le vide spirituel. Quand on commence à se convertir, c'est typiquement la question qu'on se pose aussi, même les trucs un petit peu bébêtes de voilà, pourquoi le mal, pourquoi la souffrance dans le monde, tous ces sujets-là reviennent systématiquement. Même quand vous vous opposez, je veux dire, à quelqu'un, même dans votre famille, c'est le thème qui va revenir tout de suite. Donc, on est un petit peu obligé de savoir, nous, et de pouvoir répondre. Donc, l'enfer, c'est un état de séparation éternelle d'avec Dieu, et c'est ici la plus grande douleur. C'est-à-dire que même le fait de brûler ne vous fait pas mal en comparaison de l'absence de Dieu. Et ça nous arrive donc quand on meurt en état de péché mortel, qu'on s'aliène l'amitié de Dieu. Et c'est en fait une réponse juste, en fait, on récompense les bons. Vous ne voulez pas que les méchants soient libres, vous voulez qu'ils soient châtiés, et bien voilà, il y a le paradis et l'enfer pour ça. C'est une réponse juste de Dieu, et c'est ce qui le rend d'autant plus grand et glorieux. Enfin voilà, Dieu est grand, Jésus s'exbarre. Mais enfin, ça va pas ! Si j'ose dire, c'est en effet notre libre arbitre, donc nous, à nous de choisir entre le bien et le mal dans chaque... action dans chaque pensée, et d'où le fait de devoir se confesser régulièrement, de pouvoir se repentir honnêtement de ses péchés avec la ferme intention de ne pas recommencer, de vivre du sacrement de l'Eucharistie, je ne veux pas monopoliser la parole, mais ça implique toute une série de choses et de pratiques religieuses, disons. Avant de répondre à la question, je souhaite, en mon nom et au nom de toute l'émission, remercier du fond du cœur la Vierge Marie, elle comprendra pourquoi. Concernant l'enfer, c'est vrai que c'est un point qui est souvent problématique. On voit bien dans la question de l'auditeur qu'il ne comprend pas comment ça se passe en fait dans la religion catholique, et ce qui est normal en fait quand on vient de la société où tout fonctionne sur le subjectivisme, où la règle de vérité et d'erreur est la conscience, sa propre conscience. Je ne peux pas agir contre ma conscience. D'ailleurs, j'ai rencontré une... Bon, je ne vais pas donner son nom, mais il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une femme dans un certain âge. J'étais dans un café, je travaillais, et j'entendais les conversations à côté de moi. Et il y avait deux dames qui discutaient. Et j'entendais que ça tournait autour des réseaux pédophiles. En fait, il y en avait une qui disait « Mais quand même, tu te rends compte de ce qui se passe, c'est notre rôle en tant que citoyen d'en parler. » Voilà, plutôt complotiste, quoi. Et je voyais que son interlocutrice cherchait à bah, noyer le poisson en lui emmenant, de toute façon. Et puis après, au bout d'un moment, c'est venu sur la Bible. Et elle lui dit, mais non, mais de toute façon, ça s'est inventé par les hommes, machin. Donc, quand ça est venu à ce moment, je me suis dit, bon, bah, visiblement, on a affaire à quelqu'un qui cherche la vérité. Donc, moi, si je m'étais trouvé à sa place à ce moment donné et qu'à côté de moi, il y a quelqu'un qui a des bonnes références, etc., j'aurais bien aimé qu'il me les donne. Du coup, j'ai écrit sur un petit papier une référence de la conjuration antichrétienne d'Henri de Lassus et une chaîne YouTube. Et du coup, on a, voilà, ça a amorcé la discussion un peu entre nous. Et je l'ai emmené, elle est venue à la messe, du coup, depuis. Elle m'a dit qu'elle, depuis, en fait, elle avait commencé à ouvrir les yeux à l'époque du Covid. Parce que c'est une dame qui a déjà des enfants, qui était déjà engagée dans la vie, plutôt gauchiste, hein, d'après ce que j'ai compris. Et voilà, elle a compris Dieu à ce moment-là, l'existence du mal. Et elle est venue à la messe avec moi, et l'abbé lui a donné un catéchisme. Et elle n'est pas revenue à la messe suivante, et j'ai vu qu'elle elle m'évitait. Enfin, une fois que si je la voyais, elle ne m'évitait pas. Mais... Et on a discuté ensemble, et ce qui lui posait problème, en fait, c'était que dans la religion catholique, nous ne sommes pas la source de la vérité, en fait. Ce n'est pas nous qui décidons qu'est-ce qui va se passer après la vie, qu'est-ce qui se passe en enfer. Il y a quelqu'un qui est là et qui nous enseigne. Et nous, en tant que fidèles, qu'est-ce qu'on fait ? On obéit à la Sainte Église. Et on croit ce que nous dit la Sainte Église. Comme on croit, comme un enfant, en fait, croit ce que lui dit sa mère. Parce que, et c'est chacun de, bon, à part les cas particuliers où on a une mère horrible, mais c'est ce que chacun de nous a fait. Et on n'a jamais remis en question ce que nous disait notre mère ou notre père. Par exemple, quand il nous a dit « tu es né tel jour, voilà, le 4 janvier, on va fêter ton anniversaire parce que c'est ton anniversaire, parce que tu es né tel jour ». On n'a jamais remis en question ce genre de choses. Dans la Sainte Église, c'est la même chose, en fait. Tout ce qu'on peut faire au niveau de la raison, c'est reconnaître, en fait, que l'Église, que le témoignage que nous rend l'Église sur ces vérités inaccessibles à la raison, on ne peut pas savoir ce qui va se passer, son témoignage a tous les caractères de la véracité. Et on reviendrait sur ce qu'on a dit au début de l'émission, sur les différentes... Il y a des caractères de véracité innombrables. Les prophéties sur le Christ sont le numéro un. Après, il y a tous les miracles, tous les martyrs, la sainteté dans l'Église. Ce genre de choses fait qu'on sait à la fin qu'on a affaire à quelqu'un qui dit la vérité. Et ils ont donné, beaucoup ont donné leur vie pour dire « ça, c'est vrai ». Tout le démarrage de l'Église chrétienne, c'est des gens qui ont donné leur vie en disant que c'était vrai. Donc d'un point de vue de la raison, quand on regarde ça, on se dit il y a un phénomène étonnant au niveau de la véracité des textes. En fait, on ne meurt pas pour ce qu'on sait être un mensonge. Si vous savez que c'est un mensonge, vous n'allez pas mourir pour ça. Et donc si des contemporains ont accepté des textes comme ça et des témoins comme ça, c'est qu'il y avait une valeur de vérité. Ça, c'est sur le plan rationnel. Après, la foi, il y a encore autre chose. La foi, c'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est-à-dire que même si on a identifié rationnellement tous ces éléments de véracité, il faut encore que Dieu nous donne sa grâce, il faut encore que le Père lui-même nous révèle qui est le Fils. Donc nous, on a cette grâce, on a reçu cette grâce insigne dans cette émission, et donc on écoute ce que nous dit l'Église sur ce qui se passe après la mort, et elle nous dit qu'il y a un paradis pour ceux qui obéissent à la grâce de Dieu, qui veulent respecter les commandements de Dieu, et il y a un enfer pour ceux qui refusent de le faire librement. En fait, les gens qui vont en enfer, Dieu ne force pas quelqu'un à aller au paradis. Sinon, il n'y aurait plus de liberté, sinon on serait des robots, en fait. Et tout le monde serait au paradis. Et il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Ils disent « Dieu est amour ». Ils disent « Oui, mais Dieu est amour, mais ça ne change pas qu'il nous donne une liberté, il ne va pas nous forcer à passer toute l'éternité avec lui si on n'a pas envie ». Et les gens qui vont en enfer, c'est des gens qui, malheureusement, en fait, vont en enfer d'eux-mêmes. Ils ne veulent pas passer l'éternité avec Dieu, ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont été créés par un Dieu qui leur est antécédent de toute éternité, ils veulent penser qu'ils sont Dieu, en fait, c'est la spiritualité du diable, il veut se mettre à la place de Dieu, quitte à être en enfer, en fait, ils préfèrent régner en enfer que servir au paradis. Oui, et puis, disons que ce qui nous emplit de félicité dans ce cas, en plus, c'est que c'est quand même un ex-néo-païen, donc voilà, Oleg n'a pas détruit tous les cerveaux, visiblement. Et puis, comme je disais, le chrétien est un païen surmonté, donc même nous avons une hostilité vis-à-vis du paganisme par rapport aux dogmes ou des choses comme ça, pas directement pour l'héritage culturel qu'il a pu être lors de l'Antiquité, puisque c'est ce que nous avons en quelque sorte, à l'époque, les premiers chrétiens lisaient ces ouvrages. Même Pie XII faisait l'éloge de ce qui était hellénique, des choses comme ça. L'éloge de la gréco-latine, on peut le retrouver chez Léon XIII, enfin, des papes dans des encycliques, des choses comme ça. Ça n'est pas un problème. On peut même tirer profit de la littérature grecque. C'est le père Basile de Césarée qui avait fait une lettre aux jeunes de ce titre-là. Les Allemands qui, au XIXe, XXe siècle, sont la représentation ultime de cet aboutissement à l'université. On a le professeur Werner Jaeger qui est très bon. Il avait fait un ouvrage, d'ailleurs, Humanisme et théologie, que les gens de Vesoul devraient adorer, puisque c'est ce que saint Thomas d'Aquin apporte et, en tant que personnage médiéval et à la fois pré-renaissant, en quelque sorte. Et même Léon Daudet aussi, d'Action française, La défense des humanités gréco-latines, vous avez des grands documents comme ça à connaître, Paul Valéry, La crise de l'esprit, Notes sur l'européen, toutes ces choses-là, voilà, sont rapides à lire en plus, c'est voilà, plutôt philo-chrétien, philo-antiquité, des choses comme ça. Et même, je recommanderais pour le coup le livre de Joseph Merel, là, sur le paganisme versus christianisme, qui est un peu moins logomachique que les autres, et qui sont très bons pour l'apostolat de répondre un petit peu sur ces questions judaïsme, christianisme, paganisme et ces choses-là. Là où, voilà, comme disait tout simplement notre ami Yazinko, hein, voilà, si on ne fait pas la volonté de Dieu, bah, voilà, Dieu ne nous force pas, ça n'est pas un tyran, il ne nous force pas à vivre avec lui. Et en effet, la raison a ses limites que la foi révèle. Donc c'est cette adhésion qui nous permet d'aller plus loin et de vraiment tout voir. Et comme on doit aimer l'Église qui est notre mère, petit propos par rapport à l'Ancien Testament, les Juifs préfigurent l'Église d'ailleurs à l'époque. Là où maintenant c'est plus l'assemblée des fidèles, les circoncis spirituels et par analogie le Christ et son Église, Notre-Dame et tout ça. Donc, mais on a toute cette doctrine catholique-là qu'il nous faut évidemment connaître, et que si notre néo-converti est en effet néo-converti, il aura pas mal de choses à apprendre. En plus, c'est ça qui est intéressant, c'est de plus aimer Dieu et de vouloir le paradis que d'avoir peur du diable, dénoncer la franc-maçonnerie ou je ne sais quoi. C'est mieux d'aimer Dieu que de détester le diable, on va dire. C'est un niveau supérieur, même si parfois il faut passer par là, pour certains, hein, dans leur parcours de conversion, il faut un peu passer par là pour ensuite s'élever un peu plus. Et sinon, oui, lisez, Monseigneur de Ségur a fait un traité sur l'enfer de mémoire, donc ça peut être une bonne référence. C'est pas facile à lire. Hein, Moi, je me rappelle, j'étais pas converti. Enfin, j'étais en phase de conversion et j'avais découvert les écrits d'Henri de Lassus, Révolution complète. Et après, j'avais imprimé ces écrits de Ségur sur l'enfer. Et ça m'avait effrayé. Enfin, je n'avais pas pu terminer. Mais bon, après, moi, je n'ai peut-être pas autant de courage que les autres. Si je le relis aujourd'hui, j'y arriverai. Mais parce que ce n'est pas facile, il faut s'accrocher. Il cite plein de cas historiques où, en fait, le damné se manifeste à son entre. Enfin, des trucs qui sont. Véridique, hein, mais parfois dur à supporter. L'enfer, c'est pas génial, ça a l'air super. Ouais, les évêques comme ça, contre-révolutionnaires du 19e siècle, étaient plus augustiniens et dans des thèmes assez surnaturels, disons, même avec Monseigneur Gaume et tout ça, mais ils n'en demeurent pas moins intéressants. En termes de vulgarisation, moi j'aime bien pour envoyer, parce que voilà, on a dit, on n'a pas d'opinion personnelle sur la question des fins dernières, on a l'opinion de l'Église et puis on y adhère. Ou les gens n'y adhèrent pas, mais du coup ils sortent de l'Église catholique. C'est leur choix. Moi, j'aime bien renvoyer au cours de catéchisme qui sont en ligne de l'abbé Philippe Laguiri, qu'on aime bien. Il s'exprime bien, on va dire, de manière générale, et puis il a fait ses vidéos sur les cours de catéchisme, donc on mettra les liens en commentaire. Donc, pour cette question précise de l'enfer, j'imagine qu'il en parle dans le chapitre sur le baptême, mais aussi sur les fins dernières, forcément. Donc, c'est intéressant, voilà. C'est une première étape. Hein. Je pense que si notre auditeur va encore plus creuser, bah, il pourra se référer aux différents écrits, différentes références qui viennent d'être mentionnées par Elzinko et Rex. Ouais, il a du bon charisme, ce père Laguéry, et assez viriliste en plus. Il n'est pas trop mal, c'est vrai, écoutez. Après, l'enfer, c'est une vérité psychologique quand même très dure à supporter quand tu te convertis, en fait, surtout que la plupart des membres de ta famille, après, ne vont pas forcément être catholiques. Ça peut être déstabilisant, quoi, de prendre conscience d'une vérité comme ça. C'est ça, et ça choque des yeux naturels, d'ailleurs, parce que, bon, au final, même, par exemple, on se marie avec une femme, on aimerait être sauvé avec elle et la retrouver au paradis, et dans un certain sens, même quelqu'un qu'on chérit, qu'on aime, au paradis... La valeur, elle n'est pas très intéressante, vu qu'en fait, comparé à Dieu, ça n'est rien, quoi. Mais, enfin bon, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça. Mais... Les femmes n'ont pas de valeur, c'est ce qu'on a très bien compris ce que tu voulais dire, Rex. Il n'y a pas de souci. D'accord, bon. La place de la femme, c'est à la cuisine. Même mais au paradis, les femmes ne valent rien. Mes propos ont été mal interprétés, comme la jeune israélite qui a dit Goy sur les plateaux télé français. Là. J'étais à la manifestation lundi, je confirme qu'il y avait beaucoup de Goy. Non, il n'y avait pas beaucoup de non-juifs, effectivement. Voilà. Goy. Non, mais je ne veux pas que ce soit interprété comme... Un non-juif, on appelle ça un Goy. Il n'y avait pas beaucoup de... non-juifs à la manifestation. Oui, bah, plateau télé, ça lui appartient, les plateaux télé. Je pense qu'on se sent chez soi, en famille. C'est que ça peut être une manifestation d'un attachement encore trop charnel de vouloir tant être avec quelqu'un en particulier, c'est ça que tu voulais dire ? Ouais, d'une certaine façon, même si après c'est tout à fait charitable et normal de vouloir les gens qu'on aime là-bas, ça c'est clair. Je me souviens qu'il y avait un abbé qui faisait les cours de catéchisme pour les enfants. Alors, je ne sais plus combien ils étaient les enfants, ils sont 10-15. Et il y avait un gamin qui a demandé, les gamins sont touchants parce qu'ils posent des questions un peu naïves, il était très attaché à son petit chat, le gamin, puis il demande, mais du coup, le chat, quand il va mourir, est-ce qu'il est au paradis ? Puis le prêtre est embarrassé, c'est un prêtre, il ne peut pas mentir, il est obligé de dire la vérité. Donc il lui explique avec tact et diplomatie que, le chat, sa vie terrestre, c'est toute sa vie, quoi. Et le gamin, il l'avait mal pris, il commençait un peu à pleurer, le prêtre était embarrassé. Et finalement, il a rajouté une réponse qui n'est pas un mensonge, du coup, mais je trouve que c'était très bien amené, qui lui a dit, au paradis, si jamais, pour avoir ton bonheur, t'as besoin de ton chat, Dieu te donnera ton chat. Ce qui est vrai, d'ailleurs. Du coup, au paradis, le gamin ne voudra pas de chat. Ça, c'est un non-dit. Mais voilà. T'en es sûr de ça ? Tu sais pas, peut-être. Des arbres, il y aura peut-être des chats. Hein. Moi, je veux un chat. Ah ouais, moi c'est mon chat que j'avais quand j'étais petit. Voilà, j'ai trouvé ça mignon comme anecdote. Et très bien pensé de la part de l'abbé qui a su faire preuve de psychologie. On va passer à l'autre question. Question de Pablo Emilio Escobar Gaviara. Donc c'est le vrai nom du fameux Pablo Escobar. Ce qui me fait rire, c'est qu'on a intérêt à lui répondre pour pas finir dans une fosse là. Alors là, le type, il prend un prénom de gangster. En fait, sa photo, c'est le drapeau vendéen. Donc. Je ne sais pas trop. C'est un genre de nouveau Christéros. Ouais, voilà, c'est cocasse. Donc, il nous pose sur Telegram une question par rapport à un débat qu'il y a eu sur l'émission Démocratie participative concernant un catholique sédévacantiste qui était intervenu lors de l'émission qui s'appelle Fort à l'Amo, qui date d'apparemment septembre-octobre, je ne sais plus, peu importe. Et donc, qui parle finalement de quelqu'un qui a un courrier d'électeur. Quelqu'un qui voulait défendre la position catholique, en l'occurrence, sédévacantiste, par rapport aux frasques du pape François, qui fait des sorties encore pas possibles lorsqu'il s'était présenté à Marseille. Marseille, capitale de l'union des peuples. Ah oui, là, c'est vrai. Bon, dès que Bobby nous lance, ça va être un génocide. Levez-vous, monsieur Hitler, il y a des personnes qui ont besoin d'être brûlées. Alors, il voulait une réaction par rapport à cette émission de démocratie participative. J'ai envie de dire, on va la faire oui et non, parce que en fait, on va élargir le sujet, puisque, comme je vous disais, il se passe beaucoup d'événements autour du pape François, et c'est pas toujours des événements très heureux. On vient d'apprendre, ça s'est passé il y a quelques jours, quelques semaines, qu'apparemment, on peut bénir les homosexuels. Alors, parlons-en, on va parler un peu de... Les couples homosexuels. On peut bénir les couples homosexuels. On va un peu parler de François qui s'était présenté à Marseille pour dire que les migrants c'était génial et que finalement les peuples authentiques pouvaient crever la bouche ouverte. Finalement, ça a été un non-dit, mais bon, voilà. Et puis cette histoire de couples de même sexe qui peuvent être bénis. Alors, je pose la question aux Zico et Rex. Moi, je suis pas un expert en théologie, mais est-ce qu'on peut bénir les couples homosexuels ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? il le fait toujours dans des formulations un peu alambiquées, alors on ne sait pas trop, mais on sait que c'est un pavé dans la mare qui balance. Parce que si on lit la citation, ça ne veut pas dire grand-chose, mais il amène le truc. Alors là, c'est clair qu'il y a 3-4 volets à ne pas manquer, évidemment avec le LGPD, l'invasion, pourquoi pas l'écologie et la synodalité, parce que là, on est servi avec Vatican III, ça va plus vite qu'on ne l'imagine. Plus vite que le développement technologique. Mais désolé. Alors, je pense qu'il dit ça aussi, c'est un peu une étape avant de pouvoir les marier, en fait. Quoi. C'est-à-dire que d'abord, tu proposes de peut-être juste leur faire un petit signe de croix, comme ça, c'est gentil. Et en plus, il te soumet ça aux cardinaux romains, si bien que, avec le ventre mou que c'est à 90% à peu près, je dis un pourcentage au hasard, mais bon, c'est à peu près ça. Voilà, il n'y aura pas trop de réactions, c'est un petit peu pour tâter le terrain, et s'ils ne s'opposent pas, bon ben voilà, on finit par les bénir, et qu'une fois qu'on les a bénis, bah tu fais le mariage homosexuel non plus qu'à la mairie, mais également dans les églises, hein, c'est ça. Et puis, comme on le dit à chaque émission, on aime bien le répéter, c'est la suite de qui suis-je pour juger. Ils ne jugent pas les sujets progressistes, etc. Par contre, les traditionnalistes, eux, ils sont jugés, il n'y a pas de souci, ils sont rejetés, c'est des dinosaures et tout ce qu'on veut. Hein. Alors moi, franchement, j'ai essayé d'éclaircir les nuages dans les propos de Bergoglio, qui manie admirablement le oui et le non et le flou artistique. Je me suis renseigné, j'ai ouvert la Bible et j'ai essayé de trouver des exemples de bénédiction pour essayer d'identifier le sens de bénir des couples homosexuels, hein, pas des homosexuels. La distinction est importante. Là, l'objet de la bénédiction, c'est le couple. Donc, j'ai trouvé, dans la Genèse, Dieu, il bénit les couples d'oiseaux. Donc, il leur souhaite, en fait, de se multiplier, de se répandre partout. Il souhaite la même chose à Adam et Ève, par exemple. Ensuite, on a la fameuse bénédiction d'Abraham, où il lui souhaite de la prospérité, du bonheur et de la fécondité. Hein, tu seras le père de nations. Et Abraham, il lui précise aussi, quand il lui donne la bénédiction, il lui dit, il donne la raison de sa bénédiction, il lui donne le pourquoi, et il lui dit « car tu as obéi au commandement ». Là déjà, on ne se trouve pas forcément dans la même zone, parce que, à moins qu'on dise que les couples homosexuels obéissent au commandement de Dieu, mais ça colle pas, du coup je m'égarais un peu. Pareil, on trouve une bénédiction pour Isaac quand il se marie avec Rebecca. Il n'y a aucune bénédiction, un exemple de bénédiction de quelqu'un qui est dans le péché, et encore plus d'un couple qui est dans le péché. La seule chose qui est à peu près, enfin, qui s'en approche de loin, c'est quand Jésus dit « bénissez ceux qui vous maudissent ». Donc là, du coup, a priori, on bénit quelqu'un qui est pas, qui vit pas dans le péché, mais tout le reste du temps, c'est des gens qui sont exemplaires, et Dieu leur souhaite du bonheur, de la fécondité, et de se multiplier. Enfin, même avec énormément d'amour, ce qui va en sortir, ça n'ira jamais à la maternelle. Même si jamais c'est pas des gens qui sont exemplaires, c'est des gens, au pire, c'est des pécheurs. Des pécheurs repentis, mais ça change tout. C'est-à-dire que l'homosexuel, la personne qui a commis des actes homosexuels et qui se présente, par exemple, devant le pape, qui demande une bénédiction parce qu'il a envie de changer, pas de problème, ok, super, très bien, tu reviens de loin. Mais là, attention, là, on fait une bénédiction pour les couples qui veulent surtout pas changer. Ils veulent tellement pas changer qu'ils en sont fiers, ils font des gay pride. On va bénir le péché, là, en l'occurrence. Attention, c'est pas la même chose. On dit, bah, le péché, allez-y. Franchement, si c'est ce que tu dis, tu bénirais l'homosexuel, pas le couple, en fait. À partir du moment où tu bénis le couple, c'est bizarre, en fait, parce que tu dois vouloir la dissolution, justement, de ce couple. Donc, Est-ce qu'on peut continuer indéfiniment à détruire le droit naturel? Moi, quand j'étais au lycée La Canale, la grande insulte, c'était de se faire traiter de pédé. Ça finissait dans le sang, ça, c'est clair. Maintenant, ce serait presque un compliment. Alors, attendez. Le mot bénédiction, c'est l'acte de bénir, l'action de bénir. Et si vous regardez la définition du verbe bénir, il y a plusieurs sens. Bon, il y a des sens qui ne s'appliquent pas du tout à la situation, comme bénir des objets sacrés, ce genre de choses. Mais il y a un sens. Il y a un sens dont l'objet de la bénédiction est un couple. Il y en a un qui existe, je vous invite à vérifier. Et dans ce cas-là, le sens, c'est, et là, on s'approche de la vérité, le sens, c'est consacrer une union. Donc, donner une bénédiction dans cela, c'est consacrer une union, un mariage, suivant le rite religieux. Donc là, on voit qu'en fait, pour moi, c'est de ce sens-là du mot bénédiction qu'entend Bergoglio. Pourquoi ? Parce qu'il nous dit, la seule chose qui compte pour Bergoglio, c'est de ne pas transmettre une mauvaise conception du mariage. Donc on voit bien que dans ce sens du mot bénir, on est dans l'ordre du mariage, parce qu'il s'agit de consacrer une union. Donc il nous dit, oui, on peut consacrer une union, un couple homosexuel, mais il ne faut pas non plus que ça aille jusqu'au mariage. Vous voyez, on est dans cette zone-là, mais non, pas non plus qu'on croit que c'est un mariage. Et en fait, quand tu bénis le couple, voilà, le couple, il y a un droit qui se crée, parce que tu as un groupe de deux qui arrive. Donc c'est pour ça que je dis, une fois que tu bénis ça, en fait, la suite tout à fait logique et immédiate qui arrive derrière, c'est de les marier directement. Et d'ailleurs, on est dans la suite du Père Mathieu, hein, finalement, on parle d'Oleg, Père Mathieu, tout ça dans les émissions précédentes, et ça revient systématiquement. C'est ça qui est bien avec l'actualité, c'est que ça paraît neuf et vieux à la fois en même temps. Et moi, j'allais dire, mais si tu es homosexuel, pourquoi viens-tu chez nous pour voler une bénédiction? En fait, va plutôt dans les milieux qui t'acceptent en tant que pécheur, qui veut continuer son péché. Et là, je disais, contre le père Matthieu, d'ailleurs, que voilà, dans l'Ancien Testament, le Deutéronome, etc., il n'est pas spécialement amical avec les homosexuels. Je vous cite le Lévitique. « Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. » Sic. Le père Matthieu ne vous le dira pas. Deux points, « Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. » Donc je pense que ce n'est pas très amical, et ça l'est encore moins avec la ville de Sodome et Gomorrhe qui brûle dans le feu, etc. Elle a été bénie, la ville de Sodome et Gomorrhe, avec le feu et les flammes. Ouais, donc consacrer une union homosexuelle, qu'est-ce qui définit l'union homosexuelle, sinon des actes contre nature? Qui peut vouloir consacrer une telle union, sinon le diable? Je ne vois pas. Ouais. Avec toujours une petite, alors ça je déteste ça, mais il est obligé de la faire aussi, toujours la petite précision, oui, mais attention, il faut voir au cas par cas. Alors et ben, il y aura toujours le petit contre-exemple pour dire que, ah mais attendez, on n'accepte pas tout non plus, quoi. C'est facile ça. Ce qui a fini par me démontrer là où il voulait en venir, c'est le contexte. Parce qu'en fait, le contexte de la sortie de Bergoglio, c'est une lettre qui lui est co-signée par des cardinaux, entre guillemets, traditionnalistes, dont le cardinal Sarra, qui lui pose la question « Peut-on bénir les couples homosexuels ?» Alors, pourquoi lui pose-t-il cette question? Le contexte, c'est ce qu'il se passe en Allemagne ces dernières années. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe en Allemagne? On a des prêtres qui organisent des cérémonies dans toute l'Allemagne pour marier, entre guillemets, des homosexuels. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un synode. Donc en fait, on a un synode qui a démarré en Allemagne en 2019, qui compte donc des évêques, entre guillemets, des prêtres, des religieuses et des laïcs à Francfort. C'est tout officiel, qui s'est clôturé il y a peu. Et ils ont pris 15 décisions et motions. Et donc l'une de ces décisions est bénédiction des couples de même sexe après 2026. Donc c'est dans ce cadre-là en fait qu'ils répondent. Et pour vraiment préciser les choses dans l'imagination de nos auditeurs, je vais vous décrire un exemple de bénédiction qui se passe en Allemagne et à quoi Bergoglio nous dit oui. Alors donc nous sommes le 20 septembre 2023 devant la cathédrale de Cologne, qui est magnifique par ailleurs. Donc sur le parvis de la cathédrale, dans la rue, on voit une foule donc assemblée, armée de drapeaux arc-en-ciel. Donc, c'est l'ambiance, hein, alors du coup on n'est pas dans une ambiance de condamner l'homosexualité. Vous voyez devant cette foule une table parée de fleurs, comme vous savez l'autel entre guillemets par lequel ils ont remplacé le vrai autel dans l'église. Et derrière la table, vous voyez 9 personnes en ligne qui se tiennent la main, parmi lesquelles 2 prêtres et un diacre, avec une écharpe arc-en-ciel autour du cou, voilà, qui donne la bénédiction, donc ce qui est sûrement des lesbiennes et des homosexuels de l'autre côté. C'est pas voilà. Une écharpe, moi, que je mettrais autour du cou, mais bon, c'est un avis personnel. Oui, mais toi, tu es animé par la haine, mais voilà, au moins, on comprend le sens de la bénédiction, il est clair dans une cérémonie comme ça. Voilà. C'est pas condamner, c'est pas inviter le pécheur à se convertir, c'est pas du tout ça. Voilà, avec le nom de cette cérémonie d'ailleurs, c'était All You Need Is Love. Hein? Quelle horreur. Bref, on est dans le hippie là, c'est même plus le gauchisme, c'est vraiment le hippie. Et toujours en Allemagne, alors l'Allemagne c'est vraiment la pointe du modernisme. Hein. C'est les pires dégénérés en termes de doctrine, c'est vrai qu'ils viennent du côté des Allemands. Et les deuxièmes dans la liste, souvent c'est les Français, je suis obligé de le préciser malheureusement. Alors en Allemagne, il y a l'archevêque de Berlin qui s'appelle Heiner Kor, j'espère que je prononce bien son nom. Je vais vous lire directement l'extrait. Dans une lettre adressée aux prêtres, diacres et à tous les employés pastoraux de son diocèse, Kor a dit qu'il tolérerait la décision des prêtres à bénir les unions de même sexe et qu'il ne prendrait pas de décision disciplinaire contre ces prêtres. Voilà, parce qu'en fait, il y a déjà des bénédictions d'homosexuels en Allemagne et l'évêque. Bon, il se passera rien, quoi. Voilà. Les prêtres font ce qu'ils veulent. Bon, c'est plus une tolérance, là. C'est un appel. Allez-y, hein, à fond. Hein. Non, mais il faut quoi de plus, en fait? Parce qu'on revient au premier sujet de l'émission, en fait. Un des caractères des Juifs après la destruction de Jérusalem, après le Christ, c'est l'aveuglement. C'est-à-dire qu'ils avaient les Saintes Écritures dans les mains et les prophètes, et ils ne voyaient pas qu'il y a tout qui pointait vers Jésus. Nous, on a en face de nous quelque chose qui se prétend comme l'Église, qui en est à bénir les couples homosexuels, la sodomie, ce genre de choses, et on est toujours aveugle, on est là, mais c'est une malédiction. Enfin, tout nous donne le droit d'ouvrir, enfin la nécessité d'ouvrir les yeux en fait sur quel que soit le sujet. Celui-ci, c'est l'un des plus graves, l'air de rien. Après, il y en a un autre, on est un peu obligé d'en parler avec ce qui s'est passé à Marseille, c'est évidemment l'invasion migratoire, où il a employé la formule du Mare Nostrum, qui est quand même la formule de l'Empire romain, que même le fascisme italien avait récupéré à son compte. Bon, là, on voit que la formule, c'est un petit peu autre chose. Alors, de tous les chefs religieux dans le monde, je préfère le Dalai Lama. Tu vois, Unakum Dalai Lama, ça passe un peu mieux. Plaît-il ? Il avait un discours anti-immigrationniste pour les Européens et tout. Finalement, même à ce sujet-là, c'est moins calamiteux. Et en plus, là, il parle vraiment comme un troll. Il cite l'exemple de Marseille, je veux dire, c'est la ville au taux de criminalité le plus élevé. Lampedusa, c'est un Airbnb, alors que c'était une île assez aristocratique. Les pauvres, ils ont dû dégager parce qu'à un moment donné, la démographie, enfin, je veux dire, t'as plus d'étrangers que de locaux. Et en plus, le pire, c'est qu'il utilise... Bon, c'est toujours utiliser la tradition pour nous détruire. On fait venir Charles III, là, le roi anglais. Là, on utilise le pape, on utilise la tradition républicaine de Macron, et des trucs comme ça. La tradition est vraiment utilisée pour te détruire. Donc là, on va parler de quelque chose qui existe, qui est vrai, la charité chrétienne, mais pour détruire la société chrétienne, parce qu'il est faux de dire que Bergoglio veut faire venir un maximum de catholiques africains. C'est même pas ça, le but n'est même pas d'évangéliser, il veut ouvrir... à tout vent, quelle que soit la religion des gens. D'ailleurs, dans ce discours, on a vu le danger cosmopolite et moins celui œcuménique, alors que le danger le danger œcuménique était aussi présent. Il dit, on réunit la religion d'Abraham dans la Méditerranée, et par religion d'Abraham, il entendait judaïsme, christianisme, islam, qui dans ses paroles étaient mis un peu à égalité. En fait, c'était le même niveau carrément. Mais attention, hein. Alors celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui refuse de croire au Fils, pas en Dieu, on lui demande pas ça, au Fils, à Jésus de Nazareth, celui-ci ne verra pas la vie. On ira tous en paradis, le Paul Larrive, et tu parles. Celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu restera suspendue au-dessus de sa tête. C'est la première fois que, d'ailleurs, le discours est à 0% religieux, il n'y a que du politique. Ça, c'est très grave. Enfin, je dirais un pape, il a un message christique et religieux. Il fait pas des trucs comme ça. Et là, pour une première fois, bon, il a dénoncé évidemment le nationalisme. L'assimilationnisme a été rejeté. C'est-à-dire qu'il fait l'éloge de l'intégrationnisme, qui, en effet, a gagné dans le temps. Mais c'est une nouveauté, ça. C'est vraiment le pape de la culture woke, à 300%. Il y a beaucoup de gens qui disent... que oui, il est pour, en fait, il fait tout ce qu'il fait pour qu'il y ait plus de chrétiens dans les églises, mais je te rejoins totalement, enfin, c'est l'idée la plus... Il y a même des philosophes qui pensent ça, c'est l'idée la plus ridicule qui soit, quoi. Et on voit bien qu'il n'a qu'une envie, c'est de détruire le christianisme avec ses histoires d'homosexuels et d'autres, et puis parmi ces... Moi, je connais Marseille, hein. C'est pas des catholiques, hein, je peux vous dire. Ah ouais, pas beaucoup de catholiques, non. Les arabes ! Il y a aussi une absence de volonté, c'est-à-dire que, comme le dénonçait Una Bomber, qui est un peu... comme les gauchistes situationnistes. Genre, ils se rendent compte que les gauchistes se disent antiracistes par posture morale, genre c'est conformiste, ça fait du bien du côté du bon couteau, on est super moraux, c'est bien. Et en fait, il n'y a rien derrière, concrètement, ils ne veulent pas améliorer l'état social des Noirs ou des choses comme ça. C'est juste, je ne sais plus dans quelle langue on dit postuletto, genre quoi, c'est une posture, c'est tout. Ça n'apporte rien. Et là, bah, c'est pareil avec Bergoglio, en fait, ils ne cherchent pas du tout... je veux dire, à ce que les Africains soient super bien établis dans une société ou que sais-je. Non, c'est nous détruire, ne pas en faire des chrétiens. Et au lieu de proposer limite de les enraciner sur place, en fait, chez eux, dans leur... d'ailleurs, les États africains n'aiment pas l'immigration. Donc, eux, ils contraignent à ce qu'elle ait lieu. Et en plus, c'est pas faire charité que, je veux dire, de les déraciner à ce point-là et de nous détruire d'un même coup, là où dans la dialectique chrétienne, il y a la charité privée et collective. C'est-à-dire que, en effet, on ne va pas détester quelqu'un comme ça sans raison, qui ne nous a rien fait juste parce qu'il est un petit peu basané. Par contre, collectivement, quand la nation se sent atteinte dans son identité potentielle, enfin, clairement, elle a le droit et même le devoir de réagir. C'est ça la différence entre charité privée et collective. Cependant, la charité a un ordre. La charité a un ordre. Nous devons aimer d'abord les êtres de charité, hein, selon le degré de proximité qu'ils ont avec nous. Quel bon sens de l'Évangile, quel bon sens. Quel bon sens. La charité, je dois aimer, puisque c'est un amour qui vient de Dieu et qui passe dans mon cœur, je dois aimer indistinctement tout. Je dois aimer tout. Mais indistinctement, non, non. Et l'Évangile est très clair là-dessus. Il y a un ordre de la charité. Et cet ordre, c'est la proximité. C'est la proximité. Voilà, c'est dans l'Évangile, ça. Et très clairement dans l'Évangile. Puis vous comprenez, c'est hypocrite, hein. Moi, j'aime bien les gens qui sont à 10 000 km de moi. Oui, bah, ça me coûte pas cher, hein. Oh, je les aime. Faites rien pour eux. Hein. C'est facile de le dire, ça. Vous pouvez transpirer devant le Saint-Sacrement en disant, voilà, vous pouvez prier pour eux, très bien, ça, c'est de la charité. Mais, voilà. En fait, ce que fait Bergoglio, là, c'est uniquement de soutenir le trafic en Méditerranée et les réseaux. Donc, ce n'est clairement pas faire le bien ni des Africains ni des Européens. C'est créer un déséquilibre infâme et soutenir les espèces de mafias qui s'occupent des différents bateaux et de les loger, etc. Mais je crois qu'on est en train d'enfoncer des portes ouvertes parce qu'aujourd'hui, Bergoglio, c'est devenu, si c'est possible, l'incarnation vivante du scandale. Tout ce qu'il dit est scandaleux et... Là, tu censure-moi hein, si je vais trop loin, mais je pense que je dis la vérité. Même les boomers, ils n'en peuvent plus de lui. J'ai discuté avec des boomers, son petit numéro à Marseille, mais il a scandalisé tout le monde. Parce que bon, Marseille, regardez ce qu'est Marseille. Allez sur Google, marquez Marseille, espace, couteau, entrée. Et... Couscous ! Il y a une heure, il y a deux heures, il y a trois heures. Marseille, c'est voilà. Et puis bon, à partir du moment où vous habitez en dessous de Lyon, vous êtes au courant de ce qui se passe à Marseille. Et combien de personnes, combien de boomers hein, en particulier qui vivaient pas à Marseille, ont déménagé pour aller vivre dans le Massif central. On les compte, mais tous, ils n'en peuvent plus. C'est invivable. Et on a Bergoglio qui arrive, qui nous fait son numéro, qui nous dit que c'est la capitale des peuples, que c'est l'idéal. Il dit même pas « je suis en France », il dit « je suis à Marseille ». Il y a tout le monde qui gerbe, ouais. Même les boomers. Bah, on disait en antenne avec Bobby que les boomers ne savent pas utiliser un clavier, donc ils n'entendront pas cette émission. Mais des fois, pour louer une croisière sur Internet ou s'inscrire aux caisses de la retraite, là, ils y arrivent d'un seul coup. Ils arrivent bien à gérer le clavier d'un seul coup. Alors, la doctrine du pape François actuellement, c'est on va faire venir des musulmans en Europe et ils vont devenir chrétiens. Alors déjà, ça, c'est faux, puisque... On s'en fout qu'ils deviennent chrétiens, puisque de toute façon, on saute dans toutes les religions. Voilà. Bah oui, c'est la religion d'Abraham, hein, c'est ce qu'il a dit, tout va bien. Voilà, donc c'est bon, il n'y a pas de problème. Non seulement, ils ne vont pas devenir chrétiens, mais en plus, les chrétiens qui sont déjà sur place vont peut-être devenir musulmans. Ah oui, ça c'est le problème quand on mélange la politique et la religion, c'est-à-dire qu'il y a quand même, on n'est pas pour la théocratie, alors chacun met le curseur un peu là où il veut, là où il peut, mais il y a quand même une séparation entre la politique et la religion. Si c'est purement politique, le pape ou le prêtre, n'importe quelle personne, doit dire, bon, bah, c'est en tant que personne privée que je m'exprime, c'est pas parce que je porte une soutane que j'ai raison. Alors, si c'est un domaine purement religieux, là c'est autre chose. Et quand c'est les deux, bon, faut doser, quoi. Mais là, on a l'impression que c'est un discours uniquement politique, je vois pas le lien avec la religion. Attention, c'est extrêmement dangereux. Savonarole a été combattu pour ça, parce qu'il était installé, il voulait installer une théocratie. Bon, si, parce qu'il avait des problèmes avec le pape local Alexandre VI, malheureusement plus connu sous son nom à état civil Rodrigo Borgia, mais son péché, on va dire, théologique, c'était ça. Hein. Il voulait installer une théocratie. Donc ça, c'est problématique. C'est problématique, manque de clarté entre la politique et la religion. Et puis, bon... Parlons un peu des missions, hein, comme Rex en parlait il y a deux minutes. Les missions, comment ça se passe, la mission ? Enfin, les missionnaires, ils sont envoyés à l'étranger, ils font leur mission, ils essayent d'enseigner le catéchisme, de faire les conversions, et d'avoir des prêtres, des évêques locaux, et ensuite la mission se poursuit ailleurs, etc., etc., etc. Et c'est certainement pas l'inverse, c'est certainement pas on va faire venir chez nous, chez les chrétiens, toute la terre, et puis, avec un peu de chance, il y en a deux, trois qui vont se convertir. Ça, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Donc, il y a vraiment un manque de logique, même dans la procédure. Ça, c'est très, très grave. Ça n'a jamais été fait comme ça, d'ailleurs. Ça n'a jamais été fait comme ça. Ça a été fait comme ça à partir d'un moment, Vatican II. Donc 2000 ans de bonnes méthodes et on fout tout ça à la poubelle. Et à la fin, on se retrouve avec des types qui sont musulmans, qui se comptent par millions, qui pour des raisons socio-économiques, historiques, ont la haine de la France, ont la haine des Français. Et puis les Français de base, qui sont acculturés et qui ont perdu le lien avec la religion, se mettent à se convertir à l'islam. Et pas toujours d'ailleurs le bon islam. Hein. Je ne sais pas s'il y a un bon islam, mais en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Un islam très haineux, très virulent. Voilà les conséquences de Vatican II. Et d'ailleurs, on s'est attaqué d'abord au trône avant l'autel, si bien qu'il n'y avait plus la défense politique pour pouvoir protéger l'autel, tout simplement. Et cette république à véritable agent de l'étranger, comme disent beaucoup, il y a une référence qu'il faut connaître, c'est la constitution du 10 août 1793. Genre, quand vous le lisez en quelques points, c'est Antoine Lauman qui en a fait l'éloge, là, un gauchiste de chez Mélenchon. Lui, il adore. Hein. Mais alors nous, on tombe sur le document quand on n'est pas au courant, cet acte constitutionnel de la République. Pour être français, il suffit d'y être domicilé, de travailler depuis un an, vivre de son travail, acquérir une propriété, épouser une Française ou adopter un enfant ou nourrir un vieillard. C'est pas tout ça ensemble, hein, c'est juste un élément de la liste. Donc c'est quand même assez énorme et c'est un mépris vis-à-vis de ce qu'est être français ou européen d'ailleurs, parce que tu considères quelqu'un français parce qu'il a caressé un kleps, tu vois, faut un petit peu de sérieux à un moment donné. Et finalement on vit dans ce monde là quoi. Vatican II après 1789, voilà, d'enchaînement en enchaînement avant il y a eu même la révolution bolchevique, la révolution américaine, anglaise, toutes ces révolutions là ont contribué à vraiment mettre par terre tout ce qui relevait du trône et de l'autel, et d'abord le trône qui est en effet un peu l'épée en fait, donc protège la religion, et si elle n'est plus là, la religion va finir par être menacée. D'ailleurs, on n'aurait pas eu un tel Vatican II avec le fascisme, je l'avais déjà dit avec Franco et Salazar qui étaient plus des pieux catholiques, mais obéissants vis-à-vis de la juridiction, si bien que quand on leur disait arrêtez de mettre dans votre constitution que vous êtes catholique, ils vont le faire, ce que n'aurait jamais fait Mussolini ou Hitler, c'est-à-dire ils voient un cureton, derrière c'est un communiste, dans sa tête, voilà, il est méprisé, il est rejeté, c'est fini, sujet suivant. Ce qui fait que les fascistes nous auraient clairement préservé de ça, c'était un peu l'épée de l'époque, là où une fois qu'ils sont tombés, le gauchisme en roue libre est allé jusque les soutanes, hein, disons-le clairement. D'ailleurs, la République française, si elle a été un peu hostile à l'immigration, c'est pas du tout du patriotisme que peuvent vous vendre certains bourgeois versaillais, n'est-ce pas ? C'est parce que les monarchies européennes, en Europe, il n'y avait que des monarchies. Donc forcément, il fallait plus accepter d'autres Européens au cas où ça aurait pu être des infiltrés des autres royautés. Donc c'est juste une réaction de défense, mais pas du tout un patriotisme charnel enraciné racial ou quoi. Pour revenir sur Bergoglio et Vatican II, bon, je ne vais pas faire mon rabat-joie, mais bon, y a un parallèle en fait, entre l'histoire des Juifs dans l'Ancien Testament. Dieu aime bien les figures, hein, on voit bien avec le sacrifice d'Isaac, le sacrifice du Christ, le meurtre d'Abel par son grand frère Caïn, qui représente le meurtre du Christ par ses grands frères les Juifs, etc. Mais c'est plus profond que ça, c'est-à-dire que l'histoire du peuple juif figure l'histoire du peuple de Dieu, donc les chrétiens du Nouveau Testament. Et en fait, on sait comment ça se termine. Enfin, à la fin de l'histoire des Juifs, bon, tout se termine effectivement par l'horrible apostasie où ils tuent le Christ et après ils meurent par le feu. On sait que le monde, a priori, va être consumé par le feu à la fin des temps quand tout le monde aura apostasié. Mais dans le dernier livre historique, c'est le livre des Maccabées, et c'est quand même assez intéressant qu'il y a une... il y a une usurpation du vrai pontificat. En fait, le vrai pontife, c'est Onias III. Il est assassiné et en fait on substitue un faux pontife, Jason, qui est son frère, c'est Antiochus qui ordonne ça. Et il y a aussi un faux autel, si vous pensez à la nouvelle messe, il y a un faux autel qui est superposé sur le vrai autel, et il y a de l'idolâtrie, en fait, la mélange des religions qui est introduite dans le temps. C'est quand même frappant. Il y a saint Thomas qui nous dit: il est dit que fut placée dans le temple une statue de Jupiter. Ils ont placé une statue de Jupiter dans le temple, dans le deuxième temple. Et qu'il fut interdit d'accomplir toutes les oblations selon la loi mosaïque et ordonné de manger de la viande de porc. Bon, c'est difficile de ne pas penser à la nouvelle messe. Et... Puis on pourrait peut-être ouvrir le sujet de la synodalité. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, je pense que Bobby me confirmera, puisqu'ils font exprès de le faire en vase clos. Il ne faut pas trop que trop de... trop de bêtises, trop de scandales, de blasphèmes sortent, parce que voilà, ça pourrait faire réagir, disons. Mais il faut se préparer au pire et à un pot pourri, évidemment. Et en plus, je ne sais pas si c'est la première fois, tu me confirmeras, Bobby, si c'est la première fois qu'il y a des femmes laïques en jean et autres boumeuses sémillantes qui y participent. Qui participent et qui votent en plus. C'est ça le pire. Non, je suis contre le droit de vote, de façon générale. C'est, j'ai une position qui est assez tranchée. Je ne comprends pas qu'on laisse voter les gens parce qu'ils se trompent tout le temps. On va mieux qu'ils aillent. Ce week-end-là... Oui. Vous savez, la démocratie, finalement, c'est la pire des dictatures, dans la mesure où c'est la dictature du plus grand nombre. Quand on connaît le plus grand nombre, on n'a pas envie de le laisser voter. Ah bah, et puis c'est un petit peu quand on parlait des écoles catholiques entre guillemets sous contrat, ouais, c'est on retrouve le même profil, donc ça va pas aller très loin, parce qu'à la limite, si c'était des tradinettes, allez, on demandait à femme à part, bon, elles ont rien à foutre là, hein, mais après voilà, là c'est carrément du super boomeuse qui va assister des évêques déjà super super dégénérés, ça va pas aller très loin, enfin si, ça va aller très loin, mais dans le mauvais sens. Ils font exprès, comme tu disais, de laisser transpirer aucune information pour l'instant. Et en fait, au compte-gouttes, on aura des petites infos comme ça. À mon avis, ça va pas être le retour de Monseigneur Lefebvre. Ça va pas être des trucs comme ça. Hein. Ça va être, finalement, ce qu'on parle dans l'émission depuis plusieurs mois. Ça va être, les prêtres peuvent se marier, et puis ils béniront les homosexuels. Et puis, de toute façon, on est tous chrétiens, on est tous sauvés, on va tous au paradis, comme la chanson. Et puis, voilà. Il paraît qu'ils vont sacrer des évêques à la fraternité. Je sais pas si vous avez entendu parler. Il y a eu quelque chose qui a circulé, je dirais pas une rumeur parce que ça paraît assez sérieux, mais en même temps, tu m'étonnes que la question doit se poser. Et en même temps, ce qui est inquiétant, c'est comment vont-ils le faire, parce que le thème de la juridiction, c'est un peu compliqué. Et ils sont un peu obligés parce que vu l'âge de ceux qui restent, ouais, c'est à un moment donné, il faut survivre, quoi. Ouais, je pense que je suis étonné d'ailleurs qu'ils se posent la question sur maintenant, que ça n'a pas été fait plus tôt parce qu'ils sont plutôt jeunes, les chers évêques, ouais. Il y a moins de prêtres chez les CDVAC, mais il y a beaucoup plus d'évêques, d'ailleurs. En numériquement, à échelle mondiale, en tout cas. Plus d'évêques que de prêtres. Peut-être pas à ce point-là, oui, sinon ça serait une très mauvaise publicité, c'est clair. Non, peut-être pas à ce point-là, mais bon. Ouais, mais ils en parlent dans les sermons, maintenant. Enfin, moi, j'ai eu un sermon où le prêtre, il annonçait, il demandait aux fidèles de prier. Donc, je pense pour que ça aille jusque-là, ça doit être quand même... Voilà, c'est fixé, quand même. Oui, ils se posent la question, c'est certain. Ouais. Ça serait bizarre qu'ils ne se posent pas la question. C'est ce qu'on appelle en tout cas le synode de l'espace. Donc les apostats vont nous faire accepter, peut-être plus que l'acceptation des invertis et sodomites. Et sa fille, là, ce sera peut-être le mariage des prêtres aussi, qui passera peut-être plus comme une lettre à la poste, je ne sais pas. Je lui ai fait les femmes prêtres, hein, les femmes prêtres, ça c'est important. Oh là là. Les athées prêtres. Maintenant, en fait, c'est les athées. C'est les athées qui doivent. Non, mais j'ai entendu de la bouche d'un prêtre moderniste. Il m'a dit maintenant, en fait, c'est les athées qui doivent nous dire ce que doit être l'Église parce qu'ils savent mieux que nous, les prêtres. Il m'a dit ça. Je me suis levé, je suis parti. Mais il a dit. J'ai assisté à une messe moderniste. J'ai fait. Et ça fait très longtemps que je n'ai pas assisté à une messe moderniste. C'était les circonstances qui ont fait que. Et donc, j'étais déjà très étonné d'entendre une voix de femme avant que la messe commence, qui annonçait des banalités, mais qui aussi faisait la lecture des textes sacrés. Donc déjà, mauvaise ambiance. Pendant la messe, pas pareil, il y a des laïcs qui se sont présentés et qui ont fait la lecture des textes sacrés, dont une femme. OK. Et puis, distribution de la communion, distribution à la main, pareil. Le prêtre était assisté de laïcs qui faisaient la distribution avec une femme. Voilà, donc... je propose le salto arrière et le lancer d'hostie, comme ça, à 2 mètres de distance. On peut aller loin, on peut faire du cirque, hein, aussi. Hein. Les gens, ils pensent qu'on chipote avec ces histoires de... Coluche avait s'était moqué de ça. Oh, la messe en latin, qu'est-ce qu'on en a à faire, et tout. C'est très sérieux, cette histoire. Hein. C'est très, très sérieux. Surtout l'histoire de la communion dans la main, parce que pour les athées, c'est sûr que c'est pas sérieux, parce qu'ils croient en rien. Mais nous, on pense vraiment à la présence réelle du Christ dans le corps et le sang, c'est très sérieux pour nous. Donc vous imaginez les risques qu'on prend lorsqu'on fait la distribution de la communion à la main. C'est terriblement dangereux, c'est poussé vraiment au sacrilège. Donc c'est pas une anecdote, hein. C'est pas une lubie de tradis, machin, non. Non mais vous avez vu, il y a des vidéos de Bergoglio, il distribue ça comme des chips, hein, dans la foule. Non mais je rigole pas, j'exagère même pas. C'est comme le perroquet que Jafar nourrit dans Aladdin, tu sais, il lui met tout dans la bouche comme ça. C'est pour ça qu'on espère que la consécration n'est pas valide, parce que sinon c'est encore plus grave, hein, messieurs. Et bon, après, ce synode, je crois, va durer un mois, donc le vase clos à ses limites, ou peut-être un peu plus. Hein. Et j'ai remarqué aussi, dans leur vocabulaire, ce qui ressort tout le temps, c'est pastoral. La charité pastorale, le je sais pas quoi pastoral, tu vas aux toilettes, c'est pastoral. Enfin, ça veut vraiment rien dire, ce mot ultra-démocratisant, en fait. C'est ce qui se cache derrière ce vocable, on va dire. C'est la Révolution française dans l'Église, tout simplement. Et c'est pas de bonne nouvelle. Ouais, ça c'est sûr. C'est voilà, l'État d'Israël en ce moment nomme les chefs nationalistes et religieux les plus radicaux, mais Macron et Bergoglio ne proposent pas à l'abbé Rioux, à Monseigneur Tissé de Malraux ou que sais-je encore de devenir Premier ministre. Là, nous on est moins dans ce contexte-là, on dirait. Ouais, la tradition, c'est pas trop ça. Bon, du coup, les gars, j'ai un jeu pour vous. Là, voilà, là on en est mariage des prêtres, les athées qui disent que l'Église, bénédiction des couples homosexuels. Voilà, devinez. Bobby, Rex, quelle est la prochaine étape ? Alors justement, on en a parlé et on m'a dit, et je n'ai pas été d'accord sur la conclusion, on m'a dit que la prochaine étape, il fallait absolument un pape noir. Alors là-dessus, j'ai envie de répondre quelque chose, parce que c'est quelqu'un de... C'est un moderno qui m'a sorti ça. J'ai envie de répondre quelque chose, c'est que déjà dans les faits, je pense que c'est assez peu probable, parce que les prêtres, les cardinaux africains sont plus à droite que nos dégénérés occidentaux, donc je ne pense pas qu'ils aient intérêt à prendre un risque à mettre un type qui serait un peu trop trahi, premièrement. Alors, un peu trop, hein, faut voir, hein, c'est une histoire de dosage. Par exemple, les gens disent « Oh, le cardinal Sarah, il a lâché 2-3 trucs sur la messe traditionnelle, mais ça va pas très très loin non plus, quoi. Hein. C'est pas Saint-Pélis, le cardinal Sarah. » Donc je pense pas que ça se fera. Et puis, de toute façon, imaginons, bon, un pape africain est élu. Imaginons même un très bon pape, hein, pas un moderno, machin, j'ai envie de dire... Je suis désolé, mais qu'est-ce que ça change, quoi ? Je vais pas arrêter de lire Saint-Augustin sous prétexte qu'il a passé son enfance à Carthage, quoi. Qu'il soit berbère ou pas berbère, quelle importance. Donc, je suis pas sûr que ce soit une position si cruciale que ça. Et je sais pas s'ils iront jusque-là, mais s'ils le font, et je pense qu'ils le font dans la même optique qu'ils ont fait les docteurs de l'Église féminines. C'est-à-dire que depuis Vatican II, les docteurs de l'Église, les titres de docteurs de l'Église peuvent être attribués aux femmes. Et alors déjà, Saint Paul enseigne que les femmes, justement, ne doivent pas avoir une position d'enseignante. Donc c'est problématique pour les docteurs de l'Église. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Timothée 2,11. Et surtout quand on sait que Paul VI, quand il a voulu justifier sa position en attribuant le titre à 4 femmes, il a bien précisé qu'en fait, c'était surtout parce que c'était des femmes que ce titre leur était attribué. Ce qui pose un énorme souci, c'est vraiment du subjectivisme puissance 1000. Donc peut-être qu'ils feront la même chose si jamais ils nous collent un pape africain. C'est-à-dire qu'ils vont nous dire, bon, bah, qu'il soit bon ou pas bon, peu importe, sa principale qualité, c'est pas d'être un bon pasteur, c'est d'être africain. Et là, ce serait le summum du gauchisme. Au bout du truc, c'est-à-dire, oui, pourquoi pas une femme pape, mais pas une femme noire pape. On peut y mettre en genre. Unijambiste. Et voilà, unijambiste avec le sida, naine et bossu. Ouais, mais après, elle ne pourra plus parler. Non, je ne pense pas que ce sera ça. Et puis, elle serait pape rabbin. Il faut quand même un peu... Voilà. En tout cas, le Bergoglio fait en sorte de verrouiller pas mal la curie romaine, ce qui fait que ce qui risque d'en sortir sera probablement le moins conservateur possible. Mais bon, qu'il le soit ou pas, de toute façon, ça ne va pas être quelqu'un qui va remettre en question, condamner Vatican II et ses effets. Enfin, ça serait vraiment très miraculeux. Dans l'absolu, ce n'est pas impossible, mais c'est très peu crédible en même temps, on va dire. À moins d'un miracle, disons. Après, il y a un autre jeu, c'est... Le pape écolo avec Laudato aussi, quoi. Ces trucs de lutter contre le climat, j'ai rien compris à ça, un peu comme les trucs conspi sur les chemtrails, pourquoi pas, hein, en soi. Genre, on maîtrise la météo, on maîtrise les nuages, mais je vois pas, en fait, où veulent nous mener ces gens à chaque fois. C'est-à-dire, je vais prendre un escabeau, je vais insulter les nuages, comme un starbé. Enfin, c'est vraiment des combats d'arrière-garde, ces trucs tarés. Et ils cumulent toute la culture de mort en un seul voilà, on dénonçait la pornographie, la drogue, etc., l'avortement, l'euthanasie, tout ça, c'est le même bagage soutenu par les mêmes à chaque fois. Ok, on va enchaîner sur un petit sujet un peu rigolo. Un adolescent dans l'Essonne qui s'est retrouvé en garde à vue, un adolescent de 13 ans, parce qu'il a diffusé des petits messages sympathiques sur Internet. Il a profité d'un dysfonctionnement du système informatique pour propager ses messages, nous dit le Parisien. Il a répondu à un questionnaire de satisfaction sur la cantine pour pouvoir diffuser ses messages, et l'article rajoute « Malgré la rapidité des services, les deux messages ont bien été envoyés. Selon nos informations, le deuxième message comprenait un drapeau avec une croix gammée, ainsi que les mentions « Sieg Heil » et « Heil Hitler » en référence au Troisième Reich. » Donc, bah, écoutez, 13 ans, je trouve que c'est pas mal. Alors, la question qui se pose, c'est le cousin de qui, ce jeune homme? C'est le vôtre? Ouais, c'est... D'ailleurs, je sais plus, il y avait un soutien à Ahmed Mouallec dans les tags. Alors, je crois que le Parisien en parle. Bon, il y a quelques différentes presses. Donc, sur le coup, je me suis dit, attends, soit c'est un jeune blanc, voire c'est peut-être un maghrébin. C'est moins sûr, mais une possibilité. Donc, j'ai un doute. Mais voilà, a priori, ça sera un blanc cause. Deux jours après l'attaque du Hamas, donc les types ont fait un lien tout de suite. Enfin, c'est la fête, quoi. On mettra quelques petits extraits d'Ahmed Mouallec quand il s'excite un petit peu contre les Juifs, s'il peut expliquer cela. Des extraits que l'on condamne, bien sûr. Alors là, on condamne... Attention, je m'aplatis. Je rampe. Qu'est-ce que tu crois, toi? Que je vais me taire? Que je vais les... Sales Juifs, je te dis, moi. Moi, je dis la Shoah a existé. Allahu Akbar. Je suis peuple. Tu peux pas imaginer à quel point ça me fait plaisir de savoir que la Shoah a existé et que c'est les gens comme toi qu'on finit dans les chambres à gaz. Ouais, bah en fait, on est clairement dans le monde post-Nuremberg décrit par Bardèche, hein, de toute façon. Donc, le national-socialisme allemand a été condamné, mais à travers lui, en fait, c'est presque moins important que ce régime ait été condamné. C'est en fait à travers lui, la civilisation européenne est blanche. Donc, on n'a plus le droit d'être un blanc affirmé, un chrétien affirmé dans ce contexte-là. Voilà, c'est le règne du matérialisme, de la démocratie, de la religiosité, etc. Donc on est en plein culture woke, voilà, on le voit avec même le Wakanda, la cancel culture, hein. Jules César était avec une négresse, ce qui s'appelle Cléopâtre, et là je suis Cléopâtre, là, dis donc, là, vraiment. C'est les Grecs, c'est écrit partout qu'il y a les Grecs. C'est pas possible. Ouais, c'est l'aristocratie grecque, il n'y a rien à faire, les gars, mais bon, je sais pas, ils arrivent à nous... Donc, apparemment, Jules César était le Gilles Verdès de l'Antiquité. Marié ? Ouais ! On mariait avec Fatou. On aimerait avoir une à Las Vegas. Mais on devait pas être non, ils se sont mariés au Sénégal. C'est la cérémonie traditionnelle. Exactement. Et d'ailleurs, vous ne vous appelez plus Gilles. Il ne faut pas que je le dise. Vous pouvez le dire si vous voulez, mais j'ai un autre prénom. Ça s'appelle maintenant Souleymane. Ouais, là-bas, on m'appelle Souleymane. Donc, ouais, moi, je comptais envoyer un peu une nouvelle théorie qui n'est pas nouvelle, hein, je pense que certains l'ont trouvé. Il y a un bon auteur qui est Philippe Gauthier. Et en fait, à force de traiter le racisme anti-allemand un peu débile et primaire, qui vient des gauchistes, voire des droitards, voire même plus des droitards des fois, on se demande si ce racisme anti-allemand, dans le temps et au fil des décennies, n'a pas dégénéré en racisme anti-blanc tout court. Même, voilà, on veut être dans le vrai sans être déjà farouche germanophile en soi. On le disait avec l'occidentalisme, on lutte d'abord pour notre maison. La maison allemande, ça nous concerne moins, même si on est content si ça va mieux pour eux, on va dire. Et toutes ces associations judaïques, cosmopolites, boomers, machin, voilà, ils ont tous contribué en plus d'un demi-siècle à tout foutre en l'air. On peut voir aussi l'après-troupe coloniale, en fait. Comme le monde blanc ne domine plus et qu'il ne veut pas admettre qu'on a perdu du terrain, bah on continue un peu la colonisation sur place. Il y a un peu de ça dans le monde actuel. Et bon, déjà, au XIXe siècle, il y avait avec la franc-maçonnerie, entre autres, pas que un certain orientalisme. Donc déjà, on fantasmait beaucoup. Ce qui, à la limite, si ça reste juste littéraire, c'est pas trop gênant, mais quand ça se transforme vraiment en politique, là, voilà, c'est plus grave. On provoquait d'ailleurs, même en France, les souverainistes du temps de Charles Quint, ils étaient racistes à l'égard des Espagnols et des Allemands. Quoi. Comme quoi, ça remonte un peu, je dirais pas du fond des âges, mais c'est presque ça. Et l'Antiquité latine a contribué à forger des poncifs barbares également sur l'Europe du Nord, plus ou moins à raison, hein. Peut-être que civilisationnellement à ce moment-là ils étaient moins développés, c'est sûr, mais comme je disais, avec les forces de droite, c'est les Maurrassiens, quoi, là où ça a été du racisme primaire anti-allemand, et si bien que lors de 14-18, c'était une telle hystérie, je n'ai plus ces références que j'aimerais retrouver, mais vous avez des théories scientifiques et médicales qui circulaient avec des assemblées de docteurs qui tenaient conférence pour dire que le cerveau de l'allemand est égal à l'animal, donc en gros c'est un babouin, allez-y, flinguez-le. Alors qu'on mettait, nous, en plus, en première ligne, les Boubacar, quoi. Donc c'était un petit peu ça, l'ennemi héréditaire qui était certes anglais avant. Là, il est devenu allemand parce qu'il y a eu 1871, enfin 70, 14-18, 1945, etc. Donc ça a glissé en ce sens parce qu'on se disputait un petit peu la primauté de l'Empire en quelque sorte. Et lors de la Grande Guerre, d'ailleurs, cet esprit de droite patriotique a fait cocu les masses catholiques vis-à-vis de cette guerre et nous a mis côte à côte avec des ennemis qui voulaient notre peau et qui l'ont eu, comme les Viviani, etc., Poincaré, qui envoyaient les paysans français catholiques au front et qui mouraient pour la gloire de la République, quoi. Et à l'époque, évidemment, race maudite allemande, etc., ça y allait en roue libre, quoi. Je pense que même en France, il faut lire le livre noir de l'épuration d'Henri Coston. Je crois qu'il n'a pas rédigé sous pseudonyme, celui-là, et c'est un petit truc de 50 pages. Bon, c'est un peu un livre d'horreur, donc... Peut-être pas, voilà, quand on est déprimé, mais c'est une époque où on a épuré les purs, et donc, comme diraient les gauchistes, on voit ce que ça a donné, quoi. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus, mais voilà, le côté de germanophobie en anti-blanc, j'y vois un lien d'une certaine façon, parce qu'ils étaient vus un peu comme les blancs absolus, en quelque sorte. Oui, ben, et derrière Viviani et ces gens-là, il y avait le juif, évidemment, et la France, en fait, paye son péché d'anti-germanisme. Encore à l'heure actuelle, parce qu'en fait, oui, tu dis que au fait, cet anti-germanisme s'est transformé en haine de la race blanche, mais en fait, c'était une forme de haine de l'Europe, dans le sens bien compris, où en fait, la place, la position naturelle du peuple allemand est celle du peuple dominateur sur le plan militaire et politique. En fait, mais la France, par orgueil, c'est ça au final, c'est de l'orgueil, c'est de la jalousie, c'est de l'envie qu'il y a derrière tout ça. Cet anti-germanisme de Maurras et des tradis, et même ça remonte à plus loin, ça remonte à la monarchie absolue. C'est la prétention de la France, en fait, d'être à la tête de tout, d'être le peuple élu du Nouveau Testament, et de ne pas simplement accepter de se cantonner à cette prééminence intellectuelle et culturelle qu'elle a exercée dans toute l'Europe. Et non, ça ne lui suffisait pas, elle voulait aussi la prééminence militaire, quitte à travailler contre le bien commun européen, quitte à favoriser les Turcs, quitte à favoriser les protestants. Et voilà, et c'est cet état d'esprit qui s'est maintenu. On a essayé d'empêcher l'unité, la formation de l'unité allemande le plus qu'on a pu. Elle a fini par se réaliser, parce qu'on ne peut pas aller contre ce qui est naturel. Et la France ne l'a jamais accepté. Encore aujourd'hui, les tradis ne veulent pas reconnaître l'apport de l'Allemagne et du national-socialisme contre la subversion issue de la révolution de 89, contre le communisme, contre les francs-maçons, contre les juifs, contre tous ceux qui sont nos ennemis irréductibles. On ne veut pas l'accepter. Pourquoi ? Parce que ça ne vient pas de nous. Parce que c'est venu des Allemands. Et on en est toujours là. C'est ça qui est... C'est à pleurer. Vous parlez avec les gens élevés dans la tradition catholique qui sont les représentants de cet état d'esprit ancestral et ils en sont toujours là. Et oui, c'est tragique. C'est tragique. On meurt de ça. Cet anti-germanisme primaire avait un peu disparu avec les âges, en tout cas d'un point de vue de force politique. Et j'étais très étonné de voir qu'il y avait des types qui faisaient encore leur beurre là-dessus en 2023 et qui avaient un petit succès, alors un succès, mitigé, mais un petit succès quand même. Je pense direct à Pierre-Yves Rougécon, qui fait clairement son beurre sur l'anti-germanisme et qui va très loin en fait dans les provocations, parce que c'est quand même quelqu'un qui fait des blagues. Alors déjà, c'est pas vraiment des blagues en fait, on sent qu'il est très sérieux. Où en fait, il va se moquer des Allemands, il va proposer de faire carrément des attaques militaires sur le sol allemand et d'envoyer des bombes pour détruire des territoires. C'est des demi-blagues, hein, parce qu'on sait que lui, il plaisante pas derrière. Et je me posais la question, d'accord, mais moi, si je fais un quart de ce qu'ils balancent sur l'Allemagne, sur Israël, par exemple, normalement, il y a les flics qui viennent chez moi le lendemain matin à 6h, et puis apologie d'actes terroristes, quoi. Mais lui, il est tranquille, voilà. Donc déjà, ça prouve quand même que l'anti-germanisme, alors c'est bien pour faire le rigolo sur Twitter, hein, mais c'est pas sérieux. Les gens qui sont des dangers politiques, ils prennent des risques, voilà. Donc, je suis désolé, Rougécon, tes blagues sur Twitter n'impressionnent pas le pouvoir. Mais alors, ils s'en moquent alors complètement. T'es pas un élément sérieux, politiquement. Mais tu veux faire juste le comique. Et puis le comique, et puis faire de l'audience, et puis un peu de pognon. Voilà, tant qu'à faire. C'est le souci du souverainisme. Et puis, comme l'a souligné Elzinko, c'est vrai que la Grèce avait la prédominance intellectuelle sur Rome, c'est incontestable, mais Rome avait la force impériale d'une certaine façon, et la France l'a niée donc à l'Empire, au Saint-Empire romain germanique, notamment en y mettant fin par Napoléon Bonaparte, qui avait fait signer ça. Je parlais un petit peu d'une version un peu théorique du problème, notamment ce que soulevait Philippe Gauthier. Il y a deux ouvrages, je crois, sur ces sujets-là, de racisme anti-allemand, germanophobie, etc. Vous pouvez trouver de la bonne documentation. Hein. Il pensait très bien, cet homme-là. Et là, en acte, donc, qu'est-ce que ça donne vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale et après? Les chrétiens les catholiques ont un peu profité de ces régimes qui ont traité avec eux, contrairement aux autres. Donc je parle des fascismes, des nationalismes. Et il y a eu une lâcheté, malheureusement, après-guerre, où ça a pu être dénoncé, certaines déportations des Allemands, des choses comme ça, on parle toujours de déportations, mais vaguement. En fait, il y a eu une lâcheté assez généralisée, parce qu'on ne pouvait plus faire l'éloge du perdant, alors que ce sont les franco-anglais, déjà, qui ont plongé dans la guerre, puisque c'est eux qui ont déclaré la guerre à l'Allemagne. Comme je disais un petit peu avec l'universalisme hypertrophié, l'universalisme n'est pas un souci en soi, c'est... Quand on est très humaniste, on considère que celui qui ne l'est pas, quelque part, c'est un chien, quoi. C'est un petit peu comme dans le Talmud, mais pour des raisons un peu plus philosophiques que messianiques, mais c'est la seule différence. Voilà, en 1943, déjà, ça sent un peu le roussi, en fait. Les guerres hitlériennes à l'Est et à l'Ouest posent problème. Ils n'ont pas eu l'appui des Anglais, et Hitler a voulu y aller malgré le manque de cet appui. Il y a cru, malgré tout, on n'avait pas trop le choix, disons. Ce qui fait que ça a pu être un échec, un petit peu comme Napoléon en Russie. Et le procès de guerre des Alliés, à ce moment-là, vers 44-45, masque ses propres meurtres, en fait. On accuse toute une série aux Allemands qui, des fois, n'ont pas fait parce que c'est les Russes qui l'ont fait, ou voire même ils n'ont pas fait quelque chose précisément. Et pendant ce temps-là, il y a quand même des bombardements sur Dresde, le Japon, des tapis de bombes, de la lave, je veux dire, qui vont jusqu'à brûler les pieds des enfants qui courent partout, qui se brûlent, enfin, c'est un truc. Et vous avez un plan génocidaire, d'une certaine façon, c'est celui Morgenthau. Donc je vous envoie à Henri Morgenthau. Mais au fait, toi, d'où tu viens? Moi, je suis juif. Tu es juif, toi? Oh oui, je suis juif. Qui est le militaire américain qui était chargé, donc, je cite, de la destruction du peuple de langue allemande, dès 1940. Donc comme quoi il y avait ce document de plan militaire qui était... en quelque sorte un génocide de l'espace germanique, si vous voulez. Là où l'armée allemande a été plus irréprochable, c'est celle où il y a eu le moins de viols, etc., de pillages. Là où en 45-46, ce qui a été fait contre les Allemands qui se retrouvaient en dehors d'Allemagne surtout, et il y en avait une dizaine de millions vu l'étendue et la démographie du pays à ce moment-là, ils ont été forcés de travailler, forcés à l'expulsion, affamés, déportés en camp de concentration stalinien. Ça, c'est des trucs vraiment à connaître, tout cet arsenal US démocratique et eurasien. Les barbares eurasiatiques, eux, ils ont fait des... Il y a eu deux tracts qu'il faut absolument connaître, qui ont été diffusés par la Russie soviétique. « Frappe l'Allemand, ce Satan ». C'est du même niveau. « Tue l'Allemand, où que tu le trouves, frappe-le comme tu peux. Si tu le trouves, tue-le. Partout, tu dois abattre la bête. S'arrête-t-il pour prendre repos ? Démembre-le dormeur, écrase-le, abat-le, égorge-le dans la forêt, dans un champ, sur la route, extermine-le partout, etc. Vous en avez un autre aussi, c'était Tue l'Allemand, un tract de propagande soviétique. Les Allemands ne sont pas humains, si dans ta journée tu n'as pas tué un Allemand, pour toi c'est une journée de perdu. Pour nous, il n'y a rien de plus amusant que des cadavres allemands. C'est sympa, hein, c'est... Et voilà. C'est talmudique, hein. Ah ouais, c'est une haine talmudique qui venait des soviétiques, là, pour le coup. Bon, en même temps, on sent bien qu'il y a un petit lien. Hein. Et les pertes que la République fédérale allemande d'après-guerre a analysées, entre 1933 et 1945, il y a eu moins de pertes allemandes qu'entre 1945 et 1948. C'est énorme. Les trois années après la guerre, il y a eu une épuration dure des cadres, en fait, qui ont permis au régime précédent de tenir. Et vous aviez 1500 sœurs religieuses condamnées aux travaux forcés qui ont été déportées aussi à l'Empire soviétique. Là, les super cathos tradis en Tunisie, on ne les entend jamais là-dessus. C'est bizarre. Non, mais il faudra revenir aussi sur les débuts de la guerre. Donc là, on anticipe sur les prochaines émissions qu'on va faire. Mais sur les 3 mois durant l'année 1940 pendant lesquels Churchill va bombarder de nuit les villes allemandes et les civils. Alors que l'Allemagne, après la Blitzkrieg où ils ont vaincu la France, ont laissé repartir de Dunkerque les soldats britanniques en vue de faire la paix, parce que Hitler ne voulait absolument pas être en guerre mondiale contre tout le monde. Étonnant, mais oui, c'était comme ça. Et il a laissé repartir les soldats, et il a fait des propositions de paix qui ont été toujours balayées par l'Angleterre et par Churchill, derrière qui ont trouvé les Juifs et la finance. Alors, je ne suis pas raciste, mais les fourchus, hein, ils ont toujours su faire de l'artige. De ce côté-là, ça a toujours été des calors. Et bon, bah, il est rentré, il n'est pas allé attaquer les Anglais chez eux. Et qu'a fait Churchill, parce qu'il se sentait trop faible pour venir sur Terre attaquer l'Allemagne, il a ordonné à son aviation pendant 3 mois de bombarder, de nuit, de tuer, de massacrer des civils et de détruire des villes. Et pendant 3 mois, Hitler n'a rien fait, il n'a pas répondu. Jusqu'au moment où bon, voilà, il a parachuté en juillet 1940 son discours « A last appeal to reason », un dernier appel à la raison, pour dire que l'Europe n'avait aucun intérêt à rentrer dans cette guerre. Évidemment, on sait qu'il n'a pas été écouté. Et je vous invite, il y a un documentaire du même nom que ce discours, Last Appeal to Reason, qui existe et qui est trouvable, où l'on entend les discours d'Hitler avec des sous-titres pendant cette période-là. C'est absolument... ça change une vie de voir un documentaire comme ça. Donc, tout ça pour dire gloire à ce brave tiger qui a risqué un petit peu sa peau là, pour des petits dessins. Oui, c'est mignon en plus. Il était en garde à vue, il y avait les flics et il y avait sa maman aussi, donc c'est sympathique. Bah, il est mineur en même temps, ouais. Donc, il a 13 ans. Ça commence fort la vie, là. Je trouve que c'est pas mal. Bah écoute, moi j'ai envie de dire encore quelques années, puis on l'attend sur Orémousse. Hein. C'est ça, ouais, faut le laisser grandir, mûrir et lire un peu, et puis il pourra intervenir. Un peu comme la gifle de Damien Tarel, quoi, qui l'a propulsé médiatiquement. Et oui, ce que j'allais dire, c'est avec les fascismes aussi, il n'y aurait pas eu de Vatican II. Et il est évident que pour un peu rétablir la situation de l'Église, bizarrement, il faudrait récupérer en quelque sorte une épée comme ça pour publiquement recouvrer une véritable autorité. J'en parle un peu en filigrane, mais c'est dans la doctrine de Saint Robert Bellarmine, où on parle de concile général imparfait, et le père Guillaume Mécart, qui est très humble et très doux, et qui épouse un peu les théories de son frère Maxence Eckhart, qui est un auteur catho-tradit, tendance dévacantiste. Le soutien maintenant, c'est ce concile général imparfait des évêques encore restés fidèles à la tradition, où il nous faudrait en fait un appui véritablement politique et public pour rendre cet aspect officiel, on va dire. Même, mais là, ce qu'il faut aussi, c'est la masse des fidèles, la sainteté, faire pénitence, parce qu'il faut le mériter spirituellement, de recouvrer, je veux dire, une véritable autorité dans l'Église. Mais j'en parlerai un petit peu plus, c'est vrai que ça mérite une analyse du monde tradit et tout ça, quoi. Messieurs, nous allons entamer la dernière partie de l'émission. Alors, un petit sujet vite fait, mais qui est intéressant, c'est la fête du Christ-Roi, qui va avoir lieu le dimanche 29 octobre. Je m'exprime au futur par rapport au moment où on enregistre l'émission. Une fête très importante. On parlait justement, il y a quelques instants, des rapports entre la politique et la religion. C'est-à-dire qu'il y a une césure entre la politique et la religion, mais c'est pas un détachement complet. C'est-à-dire qu'il y a quand même souvent des liens. Et on peut dire que cette fête du Christ-Roi, c'est un peu remettre la divinité du Seigneur Jésus au centre de notre vie sociale et donc aussi politique. Une fête extrêmement intéressante qui a été instituée en 1925. Donc, c'est assez récent, sous Pie XI. Merci Helsinko. Les gens ont tendance à oublier à quel point le Christ doit être au cœur de nos vies et qu'on ne peut pas se dire comme ça, bon, bah, je suis chrétien, allez, un dimanche par semaine et puis le reste du temps, bah, je fais un peu ma vie et j'oublie tout le reste. Ça, c'est vraiment une conception très légère de la religion. Je crois que Rex, tu voulais nous en dire quelques mots. Oui, bah pour la présenter, en effet, c'est la fête du Christ-Roi, donc elle a été proclamée par le pape Pie XI. Le Christ règne sur la cité, sur toutes les cités, sur tous les royaumes, il est source de tout pouvoir en fait. C'est bien en 1925 et l'encyclique c'est Quas Primas, j'invite tout le monde à la lire d'ailleurs, comme c'est une encyclique, c'est rapide à lire, renferme de nombreuses vérités et très édifiant, disons. Ça a été fait donc 20 ans après la loi de séparation de l'Église et de l'État française. Voilà, le Christ est le roi des rois, donc les rois qui le sont, titre temporel, ne le sont entre guillemets que par procuration, même si l'ordre naturel a ses raisons, ses droits et sa justesse d'action, bien sûr. C'est d'ailleurs le dernier dimanche de l'année liturgique, après le dernier dimanche de la Pentecôte, en fait. Et il précède le début de l'Avent, donc on commence la nouvelle année liturgique dès lors que l'on a fêté cette fête, ce qui est assez beau et significatif. Cette expression de roi est tirée de l'évangile de Matthieu, d'ailleurs, donc il prend évidemment une source concrète réelle. L'Église n'invente jamais, elle ne part pas de rien. Il y a toujours une réalité, et qui est là l'importance de reconnaître sa souveraineté à notre Seigneur Jésus-Christ, même quand elle n'est pas proclamée publiquement par une nation, même si une nation a le devoir de le faire, finalement c'est toujours lui qui est derrière les sources de pouvoir, et un mauvais régime vaut mieux qu'une anarchie complète. En général, dans l'anarchie complète, là, les situations sont invivables. Alors, bon, je ne fais pas l'éloge des mauvais chefs, ça c'est sûr, mais c'est une réalité. Et de ne pas le proclamer, bah, même si c'est quand même le cas, c'est un déshonneur envers la divinité, envers la nation concernée. Bon, les nations du monde sont quasiment toutes concernées. Si elles le faisaient demain, d'ailleurs, elles seraient courroucées par le reste, par l'ONU et je ne sais quoi d'autre. Et pour la petite histoire, Léon de Grelle, avant d'être engagé dans le Troisième Reich, il avait fondé le Rexisme, justement en référence au Christ roi, et c'est le mouvement un peu nationaliste belge qui est devenu pro-collaboration ensuite. À l'époque, quand Hitler commençait à apparaître, ils ont été anti, en fait, national-socialiste. Pourquoi ? Parce que le régime national-socialiste n'a pas proclamé officiellement, publiquement, le Christ roi. En effet, c'était peut-être un peu beaucoup demandé, après 2 siècles de révolution française, européenne, d'en venir à là, même si c'est ce qu'il faut faire. Ce qui fait que ça avait commencé un petit peu comme ça, amusant pour la petite histoire, disons. Voilà. Et je recommande le petit chant « Règne à jamais, là, au cœur sacré, soit notre roi ». Alors, il est un peu tutoiement, il y a quelques chants, parfois, qui sont traditionnels, mais quand même avec tutoiement, et celui-ci va bien avec la fête et est un beau chant. Voici ma vie, règne à jamais, voici mon cœur, règne à jamais, ma liberté. Moi, je peux que prier pour que personnellement et nos auditeurs célèbrent cette fête comme il se doit. Concernant la royauté du Christ sur toute chose, elle est légitime car il est à la fois homme et à la fois Dieu. Et donc, en tant que Dieu, il est créateur de tout ce qui existe. Donc, il est le maître à la fois de l'ordre naturel et à la fois de l'ordre surnaturel dans lequel nous rentrons par l'intermédiaire de l'Église. Mais le point sur lequel je souhaiterais appuyer, c'est que la royauté sur toute chose, même dans l'ordre naturel du Christ, n'implique pas qu'il en est de même pour l'Église. L'Église n'est pas reine de l'ordre naturel, dans le même sens où le Christ est roi de l'ordre naturel. Car l'ordre naturel a sa consistance propre, qui lui vient de l'acte créateur. Cette consistance a été blessée par le péché originel. C'est en ce sens-là qu'il y a un pouvoir légitime de l'Église sur la nature et sur l'ordre politique, mais de manière indirecte. C'est-à-dire que c'est une cause... La grâce, on dit que la grâce, elle est sanance et élévante, c'est-à-dire qu'elle va soigner la nature et la surélever. Donc elle va nous permettre de soigner les effets pervers du péché originel pour remettre la nature quelque part en possession d'elle-même. Mais ce n'est pas soigner, n'est pas créer ou enfanter. C'est-à-dire qu'un père de famille, il n'a pas son pouvoir dominateur dans sa famille grâce à l'Église. Il l'a par nature. C'est la même chose dans la société politique, d'où toutes les tendances théocratiques qui sont balayées d'un revers de la main. Mais l'Église conserve toutefois le pouvoir de délivrer les fidèles de l'obéissance à un monarque qui agirait contre les commandements de Dieu ou contre le bien commun, ce qui s'est déjà vu dans l'histoire d'ailleurs. Oui, c'est très intéressant que tu précises ça, parce que dans l'histoire par exemple de l'Empire romain, la parenthèse où l'Empire voulait absolument, en visant spécifiquement les chrétiens, que les citoyens romains brûlent des encens et rendent des cultes aux dieux païens, c'était vraiment une parenthèse, mais donc là, forcément, en tant que chrétien, on peut pas accepter ça. Bon, Mais c'était qu'une parenthèse de l'Empire romain. Et pour tout ce qui est la constitution de l'Empire romain jusqu'au 5e siècle, il y avait quand même pas mal de passages où, finalement, en tant que chrétien, il n'y avait pas une nécessité de s'opposer. Non seulement il n'y avait pas de nécessité de s'opposer au pouvoir politique en place, mais dans la mesure où l'Empire romain ne demandait rien, qu'est-ce qu'il demandait l'Empire romain ? Bon, il y avait mes soldats, mes légions, vous y touchez pas, et puis bon, faut payer les impôts, vous payez les impôts. C'était très basique, hein, l'Empire romain en termes de demande. Donc les chrétiens pouvaient facilement se plier à ça, il n'y avait pas de nécessité de s'y opposer. Au contraire, il fallait même être un citoyen exemplaire là-dessus. Les Romains avaient un génie de civilisation tout à fait unique. Ils laissaient en place les structures locales du pays. Même les rois, ils les laissaient, Hérode. Pourvu que leur armée soit respectée partout et qu'on leur paye l'impôt. C'est les deux choses. Ils n'exigeaient que deux choses, les Romains. Ce qui explique l'incroyable capacité de civilisation qu'ils avaient. Il laisse le temple fonctionner, il laisse la hiérarchie sacerdotale fonctionner, il laisse des rois dont Saint-Luc vient de vous rappeler les quatre petits roitelets là, qui se partagent la Palestine. Il n'y a qu'une chose, attention. Il y a une cohorte à Jérusalem, 600 hommes, et puis la Légion à Césarée. Alors attention, hein, là, faut pas rigoler. Hein. Et pour ce qui est de la justice au plus haut niveau, le droit, le jus gladii, le droit du glaive, c'est-à-dire de mettre à mort, de prononcer la peine de mort, c'est uniquement eux. Ça, il ne faut pas toucher à ça. Sinon, on envoie la Légion et ça fait très mal. C'est d'ailleurs une des discussions qu'il y a eu entre le Christ et Pilate. Puisque bon, Pilate est très inquiet parce que déjà, il y a des zélotes dans son clan. Puis même en dehors de son clan, bah, ses troupes, de temps en temps, elles se font un peu malmener, il y a des assassinats. Donc il est inquiet pour son pouvoir politique, et puis Pilate, il a reçu un avertissement de la part de César, et si jamais il y a du grabuge à nouveau en Palestine, non seulement il risque de perdre sa place, mais en plus il risque de perdre sa tête, donc forcément Pilate est très inquiet. Et donc il interroge le Christ, et il dit « Mais alors, qui es-tu ?» Et donc le Christ le rassure, j'allais dire, mais en fait pas tellement, parce que quand il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde », quelque part Pilate pourrait se dire « Bon, ben voilà, c'est pas quelque chose de temporel, je suis rassuré », mais quand même, le Christ lui répond « mon royaume », ça a dû quand même cogiter un petit peu dans sa tête, quoi. Ça, c'est les rapports typiques qu'il y a entre la fameuse la société, la politique et la religion. D'ailleurs, le Christ n'a pas manqué de rappeler à Pilate que « attention, je conteste pas ton pouvoir politique, Pilate, etc., mais toi, n'oublie pas d'où tu tiens le pouvoir, là. Hein, tu tiens de Dieu ». Pilate lui dit « tu ne me parles pas ». Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier ? Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi a un plus grand péché. » Jean 19-10. C'est d'ailleurs une anecdote très précise du Nouveau Testament, quand les pharisiens fourbes et vicieux essaient de piéger le Christ par rapport à l'impôt qu'on doit payer ou non. Donc tu lui poses la question, alors qu'est-ce qu'on fait avec l'impôt ? Paye ou on ne le paye pas ? Parce que si le Christ dit qu'il faut payer l'impôt, bon, bah, il va peut-être perdre des soutiens locaux. Et si le Christ dit qu'il ne faut pas perdre l'impôt, alors attention, si le Christ dit qu'il ne faut pas payer l'impôt, il risque sa vie. Donc c'est un piège posé par les pharisiens. Et donc vous connaissez la réponse, hein, très connue, il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César, puisque la pièce frappée, le Christ demande un denier, il obtient un denier de la part des pharisiens, et sur la pièce il y a l'effigie de César, donc il faut rendre d'abord à Dieu ce qui est à Dieu, et ensuite à César ce qui est à César. Et je suis parfois étonné qu'il y a beaucoup de chrétiens qui comprennent ça comme une sorte de petite pirouette. Finalement, le Christ a trouvé un moyen de rendre la chose sympathique sans trop répondre à la question. Non, non, non. Attention, le Christ a répondu à la question. Il faut rendre à César ce qui est à César. Il faut payer l'impôt. D'ailleurs, il y a même un autre passage. Donc, il répond à la question. C'est pas une pirouette, hein. Attention. Et il y a même un autre passage de l'Ancien Testament où Saint-Pierre est inquiet parce qu'il doit payer l'impôt. Alors, une des caractéristiques de Saint-Pierre, c'est que c'est un marin pêcheur et qu'il n'a pas un rond. Hein. Donc, Saint-Pierre, l'impôt, il ne voit pas ça d'un bon oeil, il n'a vraiment pas un rond. On sait que Jésus payait des impôts. Bon, il avait une certaine facilité à payer des impôts. Un jour, les publicains l'abordent pour lui dire « Mais attendez, il faudrait payer les impôts. » C'est Pierre qui dit à Jésus, voilà, et Pierre dit « Qu'est-ce qu'on fait ? Il n'était pas très riche. Hein. » Bon. Et Jésus lui dit « Si, si, paye l'impôt, tu vas prendre ta pêche à la ligne, tu vas pêcher un poisson, et le premier poisson que tu ouvriras, il y aura des sesterces dedans, tu payes avec ça pour toi et pour moi. » C'est ce que les zélotes n'ont pas compris. Les zélotes voulaient absolument être en guerre armée contre l'Empire romain pour pouvoir asseoir absolument un pouvoir politique parce qu'ils étaient encore dans la nostalgie du roi David et de ses grandes armées pour pouvoir rétablir physiquement le grand Israël. Et ils se sont dit, bah, tiens, ce Christ-là, finalement, ça va devenir une sorte de grand général armé et qu'on va tous sortir les épées et puis ça va déménager. Et ils étaient complètement à côté de la plaque. Oui, et puis ce n'est pas, cette distinction entre César et le royaume des cieux n'est pas non plus un discours de l'éloge de la laïcité. Hein. Évidemment, il y a une genre de dissociation du temporel et du spirituel, mais pas une séparation totale non plus. Après, comme disait Alzinko, en effet, voilà, l'ordre naturel a ses droits et celui surnaturel qui lui est supérieur. Et bon, l'auteur de la nature est évidemment Dieu aussi. À son ordre propre, d'où cette distinction. Où, voilà, même Savonarole ou des gens un peu trop théocratiques ont eu des soucis par rapport à d'autres. Écoutez, messieurs, je pense qu'on a fait le tour de nos sujets pour ce mois de novembre. Rendez-vous donc pour le mois de décembre, spéciale émission de doctrine, où on fera la deuxième partie des rapports entre la doctrine fasciste et l'Église catholique, suivant les questions que vous nous avez posées sur Odyssée, Telegram et Gab. Merci encore pour vos questions. Merci d'avoir écouté ce long podcast jusqu'ici. Et je vous dis au mois prochain. Au mois prochain. Au mois prochain. Et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Et un grand merci à Jésus-Christ pour contrer les entreprises du démon. It's a very, very